Is that guy sleeping over there? Yeah, the one next to the girl with no shoes on. That's so ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my God, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess I took a good selfie. Selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie, selfie. Let me take a selfie. Les Chainsmokers dans le Before Party Fun sur Fun Radio, on les a connus il y a 3-4 ans avec ce titre, c'était Selfie. Est-ce que les Chainsmokers ont gagné le prix de meilleur DJ révélation internationale de l'année? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine à partir de mercredi jusqu'à samedi pour les Fun Radio DJ Awards en direct d'Amsterdam. Adrien, demain, on va laisser les platines et le micro à Jay et Miko pour Party Fun. Ils recevront Sam Felt demain à 19h dans Party Fun. Tu seras là pour Party Fun ce soir à minuit? Tout à l'heure à minuit, et puis je suis comme un fou parce que je vous jouerai en exclu mondial le nouveau SIB. Il s'appelle What Do You Love. Rendez-vous tout à l'heure à minuit. Et pour l'instant, c'est le Doc et Karel avec Love in Fun. Bonsoir! Bonsoir! Eh oui, oh putain, un bonsoir collégial, ça fait plaisir. Ça va les mecs? Superbe. Très très bien. Bah, j'ai hâte de découvrir le nouveau SIB. Ah ben faudra que tu écoutes à minuit. Mais t'es pas rentré chez toi, t'as son à minuit vu que t'habites à 2h d'ici. C'est vrai que j'habite un petit peu loin, mais à minuit ça, généralement. Un petit tacle. Non. Attends, non, mais il a raison. Vu la baraque qu'il a, je vais te dire. Il est rentré chez lui et à minuit il est gamer. J'ai choisi de vivre à la campagne. Mais t'as raison. Il est gamer à minuit. Oui, c'est vrai. Oui. Sérieux, tu joues aux jeux vidéo quand tu rentres? Il y a deux choses en fait que je fais quand je joue, enfin quand je rentre chez moi. Soit j'appelle la femme du doc pour savoir si elle est libre ce soir, soit je fais effectivement des petites parties de console. Ça m'arrive. Voilà. Tu joues à quel jeu? Il fait que des parties de console. Avec Katoche, on joue à un jeu assez sexuel, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, elle sait qu'elle est pas avec toi. Oui, bah ça, qu'est-ce que t'en sais, Doc? Je suis plus les nuits avec elle. Ah ouais? Oui. T'es sûr que c'est elle? C'est pas une poupée gonflable plutôt? C'est pas gentil pour elle. Non, mais attends, j'ai puni. Bon, bah je crois qu'il est temps d'y aller, les gars. Voilà. Case coup de fouet. Je crois que j'ai fait une gaffe. On y va, c'est parti, le bonne émission. Salut. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. On est jeudi soir et on est très content de vous retrouver. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne journée parce que la soirée, je peux vous dire, va être très très bonne ce soir avec du défi Fallait Pas Demander, du chiffre d'Alice. Vous tous en direct sur Fun Radio. Au standard pour nous appeler, c'est le 01 42 48 5000. Nous, tout ce qu'on fait tous les soirs avec Doc, avec Alice, avec toute l'équipe, c'est une vraie émission de libre antenne, hein, Doc. Hein. Eh oui, on vous écoute surtout. Et voilà, on vous écoute. Il y a tellement de belles histoires à raconter et puis voilà, on parle entre nous. Cette émission, c'est un petit peu l'histoire de la vie. Ouais, c'est comme comme la famille, enfin autour d'une table. On apprend beaucoup. Ah, c'est ça. Ah oui. De l'alcool d'ailleurs, toi. Bah moi, je prendrais bien une petite bière, alors avec modération, bien sûr. Comment ça va, Alice? Bah écoute, ça va super. Avec un nouveau chiffre ce soir et qui va te faire plaisir. Vas-y, parce que on parle des filles qui pourraient pas sortir avec un mec qui ne la fait pas rire. D'accord. Et toi, vu que t'es un peu le petit rigolo, je pense que ça va te faire plaisir. Ah ben, je sais pas, mais mais sais si, que j'ai. Si. T'es en train de dire que je peux pas tout miser sur mon physique, c'est ça? Non, d'accord, pas du tout, okay, je suis en train de dire que tu as beaucoup d'humour. Attends, j'essaie de te flatter, merde. Il y a quand même des mecs qui font pleurer, comme Kassim, qui font pleurer les filles. Non, mais, oui, mais Kassim, il est pas drôle, là, on parle de gens drôles. Et puis il est moche. Ah bah oui, bah lui, il a rien pour lui. Je fais plus pleurer de la chatte. Oh, mais Kassim. D'accord, ok. Kassim, il est 20h. Oui, bon appétit. Tu vas te calmer, merci beaucoup. Godefroy à l'arrière, alors lui, il a pas besoin de faire rire les filles, par exemple. Avec ses petits yeux en amande là, hein, il est mignon. C'est vrai. Mes yeux me suffisent. Ah, mais c'est ça. Comment tu fais pour draguer les filles, toi? Je plisse les yeux, et je me tais. Ah putain. Non mais alors ça, non mais franchement c'est vraiment un beau gosse Godefroy. Et ça peut se comprendre que les filles soient dingues de lui. Alors je te parle même pas de Guillaume. Guillaume c'est un sexe symbole le mec. Ça va Guillaume? Ça va super, et toi? Comment tu fais pour draguer les filles, toi? Rouge, moi je cuisine. Ah, toi, tu cuisines. Ouais, bien sûr. C'est pas mal. Ouais. Cindy, ton standard bien sûr. Cindy comme tous les soirs. Ça va Cindy? Ça va très bien. Merci. Ça va, t'es déjà au boulot là? T'as un téléphone dans la main, le micro dans l'autre. C'est déjà parti. Un camembert dans la main aussi. Ouais ouais. Bon appétit. Hein. Bon appétit. Puisque je rappelle que le standard mange pendant l'émission. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps en fait. On est juste dans la préparation de l'émission. On va accueillir notre auditeur du soir. Il s'appelle Kevin. Il a 23 ans. Il est de Besançon. À se tenir à carreau parce que c'est un militaire qu'on a au téléphone. Bonsoir Kevin. Salut Kevin. Salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut à toi Kevin, tu vas faire l'émission avec nous, tu vas être notre auditeur du soir et je crois savoir que tu vas partir en mission, c'est ça, la semaine prochaine? Ouais, c'est ça, c'est la dernière fois que je peux vous écouter, alors je décide de la passer avec vous. Tu pourras pas nous écouter pendant 4 mois, tu vas partir où toi? Pendant 4 mois, à l'étranger. D'accord, tu peux pas dire... Le continent africain, mais voilà. D'accord. Je peux pas dire plus. Bah oui, non mais voilà, t'es dans le secret, on peut le comprendre. Kevin, en tout cas, sois le bienvenu, on est très fiers de t'avoir avec nous. Tu vas pouvoir réagir, faire le con, faire les cons avec nous. Bah tu fais ce que tu veux, c'est ton émission, d'accord Kevin? Sans souci, y'a pas de problème. On va accueillir Valentin. Valentin, 18 ans de Paris. Bonsoir Valentin. Salut. Bonsoir Karel, bonsoir toute l'équipe. Comment ça va Valentin? Ça va et vous? Bah super, tu nous appelles pourquoi toi? Bah en fait, j'ai fêté mes 18 ans il y a 2 semaines. Et ce week-end, je pars en boîte. Pars en boîte. Ouais. Et en fait, j'aimerais draguer des meufs, mais je veux des conseils, s'il vous plaît. Ah bon, tu veux pas qu'on te les trouve non plus, non? Tu plisses les yeux. Si vous voulez, hein. Non mais attends, on peut t'en fournir 3-4, c'est ça que tu veux? Non, attends, on n'est pas distributeur de filles. Non mais attends, tu sais pas draguer une fille, toi? Mais attends, c'est dur. C'est dur. Bah non, je sais pas justement, c'est pour ça que je vous demande des conseils. Est-ce que t'es déjà sorti avec une fille? Oui, des petits flirts à 14 ans, quoi. Oui, mais bien sûr, mais t'es déjà... Jamais t'es allé en boîte? Non, c'est la première fois. Alors déjà, il faut bien s'habiller. C'est la première chose. Et il faut que tu saches qu'il y a des filles qui vont en boîte, mais pas pour se faire draguer. Oui, elles y vont pour danser. Ça peut paraître un peu étrange. Et ça, il faut bien que tu repères. Parce que si tu arrives à draguer une fille qui n'a pas envie d'être draguée, eh bien, tu vas partir en arrière. Moi, t'as raison de le dire, parce que moi, je comprenais pas. À l'époque, quand j'allais en boîte, je pensais que tout le monde voulait se reproduire. Mais non, en fait, il y en a qui viennent juste pour danser, s'amuser avec des copains. Donc, tu t'es fait rembarrer grave. Ah ouais, non, mais moi, plein de fois. Mais en fait, j'avais plus de facilité à 4h du matin quand les filles étaient bourrées, en fait. Tu vois? C'est, moi, j'attendais le bon horaire. Valentin. En Bretagne. Hein. Ouais. Valentin, il y a plein de mecs, il y a plein de filles dans ce studio. Des petits conseils pour pas se faire recaler. Toi, Alice, qui a été la reine des discothèques. Bah, déjà, draguer, c'est pas facile. Mais draguer en boîte, c'est encore pire. Donc, le problème, c'est que tu vas peut-être tomber sur des filles qui sont hyper open, mais finalement, ce sera pas ce que t'as envie, en fait. Parce que souvent, les filles qui sont là pour draguer en boîte, c'est pas du sérieux. Après, je sais pas ce que tu recherches. Mais je pense qu'il faut que tu sois bien sapé et pas trop bourré, parce que finalement, après, ça va pas le faire. C'est ça, si t'es... Non, en fait, je veux pas, je bois pas du tout. Ah bah, super. Et en fait, je veux juste pas me faire recaler, quoi. Ah bah, il faut bien que tu sois habillé, déjà. Oui, mais non, mais c'est sûr que tu vas te faire recaler. Mais non, attends, il a 18 ans. Tu vas où en boîte? C'est pas grave d'être recalé. Mais attends, où est le problème? Au duplex, il faut juste ta carte d'identité. D'accord. Ouais, ta carte d'identité, tu te sapes bien, une bonne petite coupe, une chemise, des chaussures de ville, et puis basta, quoi. Tu peux pas y aller avec une fille aussi. Alice, si tu veux venir... Ah bah voilà. Ah bah écoute, c'est quand? Moi j'aime bien. Non mais c'est vrai, c'est... week-end. Eh bah écoute, samedi soir. Ok. Alice va te tenir la main. Elle va le faire. Mais grave, elle va te tenir la main, elle va t'amener auprès des filles. Valentin, c'est un truc de dingue. Je la connais, Alice. Elle va vraiment y aller. Elle habite à côté. T'habites à côté? Ah ouais, j'habite juste à côté. Puis en plus, moi, les sorties, c'est mon délire. Donc, avec plaisir. Donc, Valentin, tu vas te taper. Tu vas sortir en soirée avec Alice. Mais ramène des potes, hein, parce que sinon, si on est que tous les deux, ça va être bloqué. On sera deux garçons et deux filles. Ok, avec ça me va. Ce sera 3 filles, quoi. Elle va te coacher et Kassim sera à côté pour filmer, pour si prendre des conseils. C'est ça. Si et pour draguer aussi. Ah, mais oui. Surtout, non mais Valentin, te prends pas la tête, éclate-toi, c'était 18 ans, tu t'amuses. Et puis, cherche pas à pécho, en fait, tu vois. D'accord. Hein, et puis, prends un petit peu d'argent sur toi et paye des coups. Ça marche bien, ça aussi. Ça ne s'achète pas, les filles. Oh. Non, mais j'ai jamais dit que ça s'achetait. Mais je te dis que si t'offres un verre, c'est toujours plus sympathique de discuter. C'est voilà. Enfin, c'est surtout plus simple parce qu'elle est bourrée, en fait. Oui. C'est ça. Non. Fais gaffe. Non, ça va. J'ai pas non plus dit de mettre de pilules dans son verre. Tu vois, ça va. C'est bon. Non. Valentin, on fera un débriefing dimanche, d'accord? Ok. Ok, Valentin? Ok. On croit tous en toi et plisse bien les yeux comme Godefroy à l'arrêt. Hein. Okay, tu t'habilles bien, tu ne tapes pas la honte. Hein. Regarde mystérieux. D'accord, Alice. Salut, il va arriver en baguette tranquille. Ça va, wesh, Alice. Ouais, vas-y, on y va là. Thibaut est avec nous, 24 ans de Bordeaux. Bonsoir Thibaut. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Thibaut. Thibaut, bienvenue dans Love in Fun. T'appelles pourquoi? Alors moi j'appelle parce que ma copine est bi et elle est souvent tentée, enfin en tout cas c'est ce qu'elle me dit, pour aller voir ailleurs du côté des filles. D'accord, et tu veux qu'on trouve une fille? Ouais, je sais pas trop comment quoi, je dois le prendre, je me tâte un petit peu. D'accord. Tu veux l'accompagner, non, c'est ça? Bon, pourquoi pas, mais enfin, j'essaie surtout de comprendre. On va en parler dans un instant, ma copine est bisexuelle, elle aimerait bien tenter une expérience avec une fille, dit tous, ça vous est déjà arrivé. 01 42 48 5000 et on écoutera Son of Legend avec Blue sur Fun Radio, à tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag LoveInFun. Fun Radio DJ Awards. En direct de l'Amsterdam Dance Event. Let's go! Du 19 au 23 octobre, 16h, JB et Adrien Thomas seront en direct du studio Fun Radio d'Amsterdam. Pendant 4 heures, les plus grands DJ viendront mixer pour vous, vous parler et recevront leur trophée. Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo. Hello, hello, it's Martin Garrix. Quel DJ Fun Radio repartira avec le plus de trophées? Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam. Du 19 au 23 octobre, avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Zumba Fitness vous offre 2 billets pour un voyage exceptionnel dans les Caraïbes. Participez à notre concours sur gagnerunecroisierezumba.com et embarquez à bord de la croisière Zumba 2017. Vol et hébergement inclus, offre valable jusqu'au 17 octobre. Modalités et conditions sur le site. Zumba. Yo, okay, we're back. Fun Radio présente Fun. La soirée Party Fun Club. Party Fun Club. Vendredi soir, au Press Club à Moulins dans l'Allier. Salut tout le monde, c'est Adrien Thomas. Je vous retrouve tous les soirs dans Party Fun sur Fun Radio, l'émission Dance Electro de référence. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir au Press Club. Je suis hyper content de revenir pour une énorme soirée Party Fun Club. Party Fun Club by Adrien Thomas au Press Club à Moulins dans l'Allier. Un événement Fun Radio. Le son Dance Floor. Plus d'infos sur funradio.fr. 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Au standard, hein, 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone pour nous appeler. On fera le défi, fallait pas demander. Avec plein de cadeaux à gagner. Hein. N'hésitez pas à nous appeler pour tenter votre chance. En attendant, on adore ce son sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Voici Son of Legend avec Blue sur Fun Radio. Bon début de soirée à tous. C'est Love in Fun jusqu'à 22h. Legend sur Fun Radio Blue. Jusqu'à 22h. In. Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est le Vin Fun sur Fun Radio. En pleine forme, hein, comme tous les soirs sur Fun Radio, avec notre auditeur du soir. Il est militaire, c'est Kevin, 23 ans de Besançon. Ça va, Kevin? Ouais, écoute, ça va, nickel. Alors, Kevin, nickel, tranquille avec vous. Tu écoutes l'émission tous les soirs, tu connais bien l'émission? Ouais, pratiquement tous les soirs, dès que je peux, je vous écoute. Tu sais qu'à tout moment, on peut lire les messages qui sont laissés sur les réseaux sociaux et c'est Alice qui s'en occupe. On en a reçu déjà pas mal, Alice. Ouais, on a reçu un message de Marina qui nous dit: quand je suis stressée, j'ai un point dans la poitrine et ça me fait mal. Comment ça se fait? Ah, c'est le stress, tout simplement, mais c'est rarement un problème cardiaque. Ah, ça fait flipper, ça. C'est un problème digestif, un truc comme ça. Enfin, bref, c'est pas bien méchant, ça dure pas longtemps. D'accord. Et on fait un petit point sur les nouveaux amis Snap. Donc, salut à Chacha, Nico, Laurélie, Mashup, Caroli54. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est Love in Fun Radio si vous voulez nous ajouter sur Snapchat. Carrément. Et puis, laissez-nous des petites photos de ce que vous faites en ce moment. Grave. Genre, vous êtes en train de jouer, je sais pas moi, un jeu, vous êtes en train de faire des révisions. N'hésitez pas, lâchez-vous sur le Snapchat Love in Fun Radio. Thibaut est avec nous, il a 24 ans, il est de Bordeaux. Salut Thibaut. Salut tout le monde, ça va? Salut Thibaut. Ça va Thibaut? T'es en forme toi? Ouais, ouais, ça va. T'as une copine? Ouais. Hein? Raconte. Ouais. Alors donc, j'ai une copine, ça fait bientôt 2 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et elle est bisexuelle, alors je le savais dès le départ, hein. Ça fait un petit moment qu'on se connaissait. Et le truc, c'est qu'elle me demande de temps en temps si elle peut, entre guillemets, faire des écarts avec des filles, en fait. Elle, est-ce que t'as le droit d'être là? On n'en a pas trop discuté. Bah après, moi, je trouve ça plutôt excitant, ça peut être sympa. Mais de quoi? Enfin, ça a pas l'air de la gêner, mec. Ah bah là, alors, en fait. On appelle ça un plan à trois. Ouais, mais le truc, c'est que en même temps, je me dis, est-ce que ça serait pas un petit peu... Enfin, j'ai peur de me sentir un peu trompé, quoi. Bah oui, alors, la relation sexuelle avec une fille, c'est de tromper, même si elle est bi. Ouais, c'est sûr, bah c'est ouais. Évident. Sinon, tu vas lui dire, est-ce que toi, ça te gêne si de temps en temps, je vois une fille à côté? Mais bah, ça, c'est que encore, ce serait un truc à plusieurs. Moi, je veux bien, mais le truc, c'est que l'autre jour, par exemple, elle m'a limite demandé la permission, entre guillemets, si elle pouvait aller plus loin avec une fille, de son travail. Fin... Est-ce que tu penses qu'elle l'a déjà fait? Oui, je pense, ouais, avant qu'on soit ensemble, en tout cas. Non, mais depuis que vous êtes ensemble. Oui, non, depuis qu'on est ensemble, non, je pense pas. Moi, franchement, je me mets à ta place et tout machin. Ma nana, elle me dit ça. Déjà, j'ai envie d'être là. Si je suis là, tu vois, j'ai pas l'impression d'être trompé. En plus, avec une fille, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être trompé si c'est un autre mec, quoi. Tu vois, il y a la pénétration, il y a tout ça, quoi. Mmh. Alors que là, bon, c'est différent, en tout cas, pour moi. Bah, en tout cas, je sais qu'elle l'a pas fait. Je pense pas qu'elle l'ait fait sans moi, déjà, sans m'en parler, puisque justement, elle est assez franche. Depuis quelques semaines déjà, elle me rabâche un petit peu avec ça, elle m'en parle de plus en plus. Mais elle me demande en fait si elle peut. Enfin, elle me demande si elle peut, donc je pense que c'est qu'elle n'a pas particulièrement envie que je sois là. D'accord, ok. C'est gênant du coup. Juste une question que je vais te poser. Est-ce qu'au fond de toi, tu penses que tu vas être troublé au point de te détacher d'elle, voire même de ne plus avoir envie d'être avec elle parce que voilà, ça ne va pas te plaire? Ben, ouais, enfin, c'est. Je sais pas, c'est vrai. C'est risque, enfin, je me demande en fait pourquoi elle le fait. C'est un besoin. Il y a un truc qu'elle trouve pas chez moi, qu'elle va trouver ailleurs. Et ça me dérange, ça, c'est clair. Ce qu'elle trouve chez une femme, elle ne trouve pas chez toi. Bah, ça, c'est clair. Sûr. À moins de te faire pousser les boobs, mon pote, c'est pas gagné. Du coup, Alice, ça me dérange un petit peu. Alice, toi, tu nous as déjà dit qu'un de tes fantasmes, c'était de coucher avec une autre fille. Ah bon? Bah ouais, je me souviens. Non, j'ai noté. Alors c'était le 14 décembre l'année dernière. Oui, je me c'est souviens. Bizarre. Oui, tu t'en souviens, ah bah Kassim. Oui, je me souviens. Non, elle nous avait dit oui. Non, parce que je crois que les fantasmes, on les réalise pas. Ouais, c'est ça. Non mais je crois que t'as raison, Alice. Si on te proposait un petit délire comme ça, voilà, pour coucher avec une fille, tu le ferais même si t'as un mec ou pas? Bah écoute, ça dépend. Si lui il me dit OK, il y a pas de souci, bah ouais, pourquoi pas. Après, s'il veut être là, c'est même encore mieux. Bah ouais. Il n'y a pas de souci. Après, c'est à lui de voir. S'il se sent trompé et pas juste excité par la situation, bah, ça ne sert à rien. Il faut qu'il mette des limites directes sinon, elle va se lâcher de plus en plus. Bien sûr que c'est créé dans la relation quelque chose qui sort de la relation à deux. C'est une évidence. Que ce soit une fille, un garçon, peu importe, c'est effectivement avoir une sexualité avec d'autres personnes. Et quand on est en couple, la fidélité, c'est quelque chose qui se décide au départ. Elle avait dit qu'elle était fidèle au départ ou pas? Elle t'a d'emblée dit. Oui. Parce que là, c'est plus de la fidélité. On va demander à l'auditeur du soir, lui, qui est militaire, la solidarité. Ouais. Peut-être, Sam. Kevin, militaire, forcément, il a tout vu, tout connu, tout vécu. Il a déjà fait des plans à trois, des partouzes, bien sûr. Bonsoir, Kevin. Oui, bien sûr. Pourquoi tu dis ça, Karel? T'as vu l'image que vous avez? Non, c'est même pas vrai. Bah, tu sais quoi, j'ai jamais fait. Ah, mais alors, bah, tu rates un truc. J'ai jamais fait. Alors, c'est pas parce que je suis militaire que je suis pas fidèle. Non, non, mais attends. Moi, on m'a dit, Guillaume Standard m'a dit, voilà, il a tout fait. Il a tout fait. Toi, tu serais dans cette situation-là, t'as une copine, au bout d'un temps, elle te dit, voilà, elle te redit qu'elle est bisexuelle, mais qu'elle voudra avoir une vie, des expériences avec d'autres filles, tu réagis comment? Je sais pas, si j'ai confiance, je sais qu'elle va, voilà, c'est juste comme ça, pour se faire plaisir, oh, je dirais oui, mais après, si c'est tout le temps, non, c'est pas possible. C'est prendre un risque aussi de qu'elle tombe amoureuse de cette personne, parce que voilà, tu l'as dit. Je sais pas, franchement, Thibaut, à moins d'être dans la pièce, bah, tu vas t'imaginer plein de trucs, quoi. Non, mais de toute façon, oui, voilà, c'est frustrant, mais la question que je me pose, c'est voilà, qu'est-ce que je dois lui dire, parce que, enfin, elle est, bon, après, elle est franche avec moi, en même temps, on n'a pas décidé à ta place. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Mais je suis d'accord si, ouais, voilà, si je peux être là, oui, ça c'est sûr. Mais bah, sinon, ça me dérange. Tu lui dis ça, voilà. Ah ouais, Thibaut, c'est aussi simple que ça. À un moment donné, il faut s'affirmer, il faut dire les choses, il faut dire ce qu'on pense. Et si t'es pas d'accord, tu le dis aussi. D'accord, Thibaut? Ouais. Bon, sinon, voilà, tu proposes Alice, qui se, voilà, tu sais qu'on a le cœur sur la main, nous, et voilà. Je te raconterai tout. Sur la main, c'est pas le cœur que t'as sur la main, c'est le sexe. Hein. Bien sûr, Doc. Thibaut, tu reviens quand tu veux, d'accord? Bon, ouais, merci. Allez, c'est une bonne soirée. Salut Thibaut, ciao ciao. Et l'info d'Alice, on va revenir sur une information concernant Bryan Cranston, exactement, le célèbre acteur de Breaking Bad et de Malcolm également. En fait, il a sorti ses mémoires et dedans, il a avoué qu'il avait perdu sa virginité avec une prostituée à Amsterdam. Donc on s'est posé la question si vous aviez eu des premières fois un peu atypiques. Ouais, carrément. Dites-nous justement, est-ce que vous avez déjà eu une première fois un peu chelou? Comment s'est passé votre première fois? Ah bah Doc, hein, on parlera de ta première fois. Hein, et ça te regarde pas. Bien sûr, à côté d'un cheval, on n'en dira pas plus. Jument, non. Restez avec nous, voici The Parakeet. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. J'adore ce son, The Parakeet sur Fun Radio, Save Me. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide, il est fait pour vous tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio. Quand vous vous sentez désarmé face à une situation, vous ne trouvez plus justement de solution. Nous, on est là pour vous aider chaque soir avec toute l'équipe, tous les auditeurs qui peuvent réagir avec Doc, bien sûr, et ses conseils d'or. Salut. 01 42 48 5000. On va accueillir Chloé. Elle a 21 et elle nous appelle de Paris. Bonsoir Chloé. Salut Chloé. Bonsoir. Salut Chloé. Tu nous appelles parce que ça va pas là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? En fait, mon problème est que cela fait maintenant une semaine et 4 jours que mon copain a rompu avec moi. Et donc, il ne m'adresse plus la parole parce que je lui ai demandé de me porter plus d'attention. C'est-à-dire que vous étiez, c'était une relation à distance? Vous habitez à combien de kilomètres? Non, en fait, on habite pas loin l'un de chez l'autre, mais en fait, il est en formation à Lyon. Donc, pour son boulot, il est en formation, tout ça. Et attends, il t'a quitté ou il t'a pas quitté? En fait, il m'a dit qu'il rompait, mais qu'il avait besoin de temps et de réflexion et qu'il n'irait pas voir ailleurs et qu'il m'aimait. On va lui passer un coup de téléphone, on appelle Antoine tout de suite, on va être cash, on va lui dire qu'il est sur Fun Radio et qu'on est avec toi au téléphone, d'accord? Ok. C'est parti. Oui, allô? Oui, c'est Antoine? Oui, tout à fait. Salut Antoine, salut. Salut. On est content de t'avoir sur Fun Radio, t'es en direct dans toute la France Antoine. Ah bon? Oui. Alors, je vais te dire quelque chose. Je sais qu'on t'a appelé cet après-midi pour te dire que tu allais participer à un jeu à la radio. Il n'en est rien. Il n'en est rien. D'accord. La vérité, c'est que si t'es en direct ce soir sur Fun Radio, c'était pour que tu décroches qu'on t'a dit ça. C'était pour t'avoir au téléphone. On a Chloé au téléphone avec nous. Et Chloé nous a expliqué que vous étiez quitté récemment. Elle a du mal à comprendre pourquoi. Elle a été quittée. Oui, non, c'était par rapport à mon travail. C'est le fait déjà que j'ai pas assez de temps pour moi déjà. C'est ça le fait qu'il faut déjà que je pense déjà un petit peu à moi avant tout. Et, d'accord. Et j'étais pas forcément prêt à vivre une relation. Ah. Oui, mais d'accord, mais t'as quand même laissé des espoirs. Est-ce que tu pourrais être clair et dire que finalement tu n'as pas de sentiments, pas suffisamment de sentiments pour elle et que finalement tu préfères rompre parce que tu sais. Quand tu laisses des espoirs, des petites portes comme ça de sortie, eh bien, celui qui est en face et qui t'aime beaucoup espère que tu vas revenir. Alors, il faut que tu sois un peu clair, quand même. Bah ouais, il faut dire les choses, hein. Même ça fait c'est mal. Sûr que, c'est vrai que, oui, c'est vrai que là-dessus, vous avez totalement raison. Alors, est-ce que tu peux être clair? Vas-y, maintenant, elle t'écoute, elle est là. Elle est avec nous, hein. Ah, d'accord. Bah, salut, Chloé, salut. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Bah écoute, je préfère être franc, c'est parce que aussi d'un côté, je me sentais pas prêt et en soi, je t'ai pas menti sur le fait que je repars pas. C'est pas que le fait que j'ai rencontré quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fait que j'ai envie de me poser les bonnes questions avant tout et d'attendre avant de partir sur quelque chose de vraiment. Mais là, tu la laisses encore espérer. Attends, est-ce que tu peux être clair? Ah, oui. Non, mais attends, sois clair avec elle. Attends, ça se commande pas. Si c'est pas la femme que tu attends, si c'est pas la femme que tu as envie d'aimer, si c'est pas la femme que tu as envie d'épouser, je ne sais quoi, il faut que tu sois cash. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas la femme que tu souhaites. Voilà, tout à fait, oui. Tu peux lui dire, là? Bah, je préfère être con et dire que oui, tu seras pas la femme que j'attends, en fait. Putain, c'est super dur quand même d'entendre ça, Doc. À un moment donné, je pense que, je sais, mais bon, voilà, il faut que tu comprennes, Chloé. T'as compris que finalement, les parades, je sais pourquoi il fait ça. Il fait ça parce qu'il veut pas te faire trop de peine. Alors, il te dit des choses qui ne te concernent pas directement. Tu sais, dans la vie, parfois, on rencontre des gens, on a une histoire, puis on se rend compte que c'est pas la bonne personne. Bah oui, mais ça se commande pas, c'est comme ça. Il vaut mieux être cash et se dire, bon ben voilà, ça ne marchera pas avec lui, ça ne peut pas marcher avec lui, donc mieux vaut rompre et terminer cette histoire. Donc là, si je résume, en fait, l'histoire, elle est terminée pour toi Antoine, Chloé n'a plus rien à espérer. Elle va pouvoir aussi, elle, de son côté, avancer, sortir, rencontrer des nouveaux mecs. Hein, parce que, ouais, il y a pas que toi, Antoine. Hein, non, je sais bien. Il y en a d'autres. Hein. Non, mais c'est ça. C'est bien, mais je lui souhaite tout le bonheur. Et honnêtement, j'espère que. Honnêtement, c'est une fille super bien. Je le reconnais quand même. Donc, c'est quand même une fille super bien. Sûr, et je pense qu'elle va trouver. T'as passé des moments avec elle, ça s'oublie pas, et c'est important de le dire. Non, mais c'est bien de dire qu'effectivement, t'as vécu une belle histoire avec elle, mais voilà, il y a une histoire qui se termine. Chloé, tu dois être très, très triste d'entendre tout ça. Vas-y, tu peux, dis ce que, non, mais là maintenant, dis ce que tu as à lui dire là maintenant, parce que, vas-y. Moi, je sais pas très bien. C'est dur pour toi, on te comprend et on voit ta tristesse et pleurer dans ces cas-là, bien évidemment, c'est nécessaire. Tu vis une émotion forte, mais c'est parce que tu la vis pleinement, cette émotion, parce que tu l'acceptes, même si c'est douloureux, que ça va t'aider à progresser et finalement à passer à autre chose. Tu comprends? Ça peut paraître dur, hein, ce qui vient de se passer. Mais d'un côté, je me sens assez coupable quand même. La culpabilité, ça sert strictement à rien. La moindre des choses, si tu la respectes, c'est d'être clair et honnête avec elle. Il ne s'agit pas de lui dire des méchancetés, il ne s'agit pas d'être agressif, mais d'être clair. Parce qu'effectivement, Chloé, elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin effectivement de faire le point, de s'appuyer sur ses amis, de vivre sa tristesse comme elle le fait là. Parce que c'est très triste pour elle, elle se sent très malheureuse, ce qui est tout à fait normal. Mais elle doit le vivre pleinement, d'accord? Et ne pas avoir de faux espoirs. Donc, si, je comprends tout à fait. Antoine, merci en tout cas pour ta franchise. Voilà, ça a été dit, même si ça peut paraître dur pour Chloé. Mais c'est là, Chloé, le moyen pour elle de se reconstruire et d'avancer. Hein, Chloé? Chloé, tu as entendu? Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Tu peux le dire, là. Vas-y. Tu peux quelque chose à nous dire à nous, peut-être, je ne sais pas. Tu veux qu'on te soutienne, tu veux qu'on te parle, tu veux que d'autres personnes te soutiennent dans ta... C'est bon. Merci, t'as des amis, t'as ta famille. Pardon. Merci d'avoir pu éclaircir cette situation, c'est tout. Voilà. Ok. Bah, on te remercie. Bon courage en tout cas et bon courage parce que c'est pas facile à vivre. Mais en même temps, tu verras, tu retrouveras la joie et le bonheur dans quelques temps, peut-être pas tout de suite, parce que puisque tu auras pleinement vécu cette histoire, tu sauras à nouveau aimer et être aimé surtout. Ok ? Merci. On te fait un gros bisou, Chloé. Bisous. Alice est toute triste aussi. Bah, ça me fait vraiment de la peine pour elle. Bah ouais, c'est clair. Donc, mais bon, il fallait passer par là. C'est important, je pense. Hein. Merci beaucoup, Antoine. Gros bisous, ma Chloé. Et on prendra des nouvelles de toi, Chloé, d'accord ? Ok. Salut, Chloé. Bon courage. Salut. Ok, bye. 01 42 48 5000. Dans un instant, on sera avec Antoine. Antoine, 26 ans de Dijon, qui vient juste d'appeler. Guillaume m'a dit là au standard qu'en fait, il avait surpris une collègue en train de voler. Et il sait pas s'il doit la balancer ou pas. On va en parler dans un instant. Juste avant, vous découvrez la nouvelle bombe de Tove Lo, Cool Girl. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Ice cold. Said you were fine, so for whatever reason. Sure, we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. I'm a cool girl. Love Low, Cool Girl sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love, love in fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. N'hésitez pas à nous appeler et vous nous écoutez à la radio, sur les portables, sur internet, funradio.fr pour voir l'image. Voilà, puisqu'on est en streaming tous les soirs. Salut. On a, on fait l'émission en direct. Hein, voilà. C'est con à dire, mais maintenant, il faut le préciser, quoi. Parce qu'avant, la radio, c'était tout le temps en direct, mais il y en a qui ne le font pas. On ne balancera pas. Mais bon, voilà, nous, on est en direct tous les soirs. N'hésitez pas à nous appeler, ça va vraiment décrocher puisqu'on est en live. 01 42 48. 5000. On va parler de cette information d'Alice, c'est Brian Constant. Exactement, notre célèbre Walter White qui a perdu sa virginité avec une prostituée à Amsterdam. En fait, il a sorti ses mémoires récemment et il s'est un peu dévoilé sur le sujet et, par rapport à sa première fois un peu insolite. C'est ça, et la question qu'on vous pose là, c'est et vous ? Est-ce que vous avez déjà eu une première fois un peu chelou, un peu insolite ? Venez nous le dire, 01 42 48 5000 et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de témoignages qui arrivent. Hein. On a notamment Anthony, oui. 20 ans de Mulhouse. Kevin, notre auditeur du soir aussi, qui nous racontera sa première fois. T'es là, Anthony ? Oui, salut, vous allez bien ? Bah, ça salut. Va bien, salut. Anthony. Très content de t'avoir. Tu nous écoutes à Mulhouse, t'as 20 ans. Et ta première fois, c'était un peu chelou ? Un peu beaucoup, même. Vas-y, raconte. En fait, c'était dans les WC de mon collège. Dans les toilettes du collège ? Avec qui ? Avec qui ? C'est parti d'un pari stupide avec des potes, et puis ça s'est fini en renvoi définitif. Attends, vas-y, raconte toute l'histoire. En fait, bon, ça remonte, j'étais encore en quatrième, donc ça fait déjà quelques années. Ouais. Et enfin, on se faisait un petit peu de l'œil avec une fille qui est devenue ma copine par après. Ouais. Et on se faisait un petit peu de l'œil, on cherchait tout ça. Et puis, vous savez comment c'est les jeunes au collège, hein, c'était pas capable de faire ceci, t'es pas capable de faire cela. Ouais. C'est devenu au pari. Si tu le fais pas, ce soir tu payes le barbecue. On devait se faire un petit barbecue entre potes. Et non tout. Mais fallait et surtout puis, que la fille soit d'accord. Ouais, après ça, apparemment elle l'était, hein, puisqu'elle m'a pas refusé. Donc. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, vous êtes allé dans les toilettes ? Du coup, on allait dans les toilettes, on a fait ce qu'on avait à faire, et manque de peau, il y avait un des surveillants qui venait en même temps. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le surveillant ? Quand on est sorti des WC, on n'avait pas l'air con, quoi, et du coup, il était là, qu'est-ce que vous faisiez ? Qu'est-ce que tu veux dire après, hein, On était en train de nettoyer les toilettes. Du coup, vous avez été exclu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, on a été renvoyé définitivement tous les deux du collège. Eh ouais, putain, mais ça pardonne pas. Au collège, ça rigole pas, hein. Au collège, tu peux pas niquer. Tu peux pas faire la mort, il n'y a rien. Non, c'est sûr. Anthony. Et comment tes parents ont réagi devant cet exploit ? Bravo, mon fils. Bravo. Le problème, c'est qu'au début, ma mère, elle le croyait pas. Du coup, elle était morte de rire jusqu'à ce qu'elle ait reçu le courrier à la maison. Ah ouais, d'accord, putain, merde. On va juste dire que j'ai un petit peu appris à courir. Ouais. C'est le genre d'anecdote que tu racontes fièrement quelques années plus tard, tu vois, mais le jour où t'as vécu ça, tu faisais pas le fier, quoi. Anthony. Pas du tout. On attaque fort dans les toilettes du collège. Julien, 29 ans de Bordeaux, nous rejoint. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Salut, Julien. Salut, Julien. Je te sens persuadé d'avoir mieux, toi. Hein ? Ah, oui, carrément. Ouais. Ah, carrément mieux, ok. Première fois, vas-y, raconte. La première fois, c'était je suis parti dans le sud quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14 ans. Ouais. Et en fait, on s'est retrouvé avec plusieurs jeunes à dormir sous un toit. On était 10. Et en plein milieu de la pièce, en fait, j'ai rencontré une nana. Du coup, c'est parti un peu en... Avec les potes qui étaient autour. Ouais, avec les potes qui étaient en train de dormir. Non, ils faisaient semblant de dormir. Grave. C'est pas pareil. Mais attends, en vrai, il y en a un, il s'est réveillé. Il m'a fait oh Julien. Alors moi je me suis allongé parce que pour faire ce que je dormais. Ouais. Et mais en fait le lendemain il m'a clairement vu, quoi. Ah oui, ah oui, tu m'étonnes, en plein milieu. Oh l'autre, il devait être comme un dingue, il aurait voulu participer et tout, je suis sûr. Abuse pas avec Julien. Non mais j'étais trop gêné, moi, en vrai. Et ça s'est bien passé, t'as assuré ? Enfin, je veux dire, ça a duré combien de temps ? Oh, je sais, ça a duré une bonne 20 minutes à peu près. Ah ouais, quand même, pas mal. Ouais. 7 minutes. Ouais, ça veut dire que ça a duré 30 secondes. Enfin, t'en gardes un bon souvenir ou un mauvais ? Ah, très bon. Ah, bah voilà. Très bon. Charlie. C'était pas une histoire d'amour, hein. Ah bah non. Non, c'était pas le but. Oh, moi j'aimerais avoir la vie des filles qui ont vécu ça, la même expérience. Bien sûr, bah ça tombe bien, Charlie est avec nous, c'est un homme. Bonsoir Charlie. Bonsoir la famille, comment Charlie, ça va depuis le temps? Ça va bien Charlie, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de filles là, venez nous raconter les filles. 01 42 48 5000. Charlie, t'as 20 ans, t'es d'Alençon. Ouais. Et ta première fois était mémorable. Ouais, carrément, et je la raconte toujours à mes potes en soirée. Ouais. Du coup, j'ai fait ma première fois chez ma voisine avec sa meilleure amie, avec qui je sortais au moment. Chez ta voisine avec sa meilleure amie, la meilleure amie de ta voisine, quoi. C'est ça. Tu l'as fait où? Dans son lit? Et il y avait la voisine qui regardait en même temps. Mais non, mais elle avait quel âge, la voisine? Bon, on avait 14 ans, on était encore en quatrième ou troisième. Ah oui, d'accord. Putain, c'est ouf ça. Et comment ça s'est passé après? T'allais tout le temps chez ta voisine, tes parents, t'étais jamais chez toi en fait? En fait, ça s'est passé qu'une fois, après, il s'est plus rien passé. Putain, c'est la fameuse voisine qu'on aimerait tous avoir, tu sais, avec ses copines qui viennent. Pas mal, Charlie, reste avec nous. Clément aussi est là, 24 ans de Créteil. Bonsoir Clément. Salut Clément. Bonsoir la famille, comment ça va? Bonsoir Clément. Toi, tu as eu beaucoup d'aventures, hein, Clément. Ça s'entend dans ta voix. Ah, c'était mémorable, c'était à midi, j'avais 18 ans. Ouais. J'avais été chez mon ex et tout, on a attendu super tard parce que en fait elle dormait avec son petit frère sur un lit superposé. Ouais. Ah ouais. Et nous on était en bas, le petit frère était en haut, on avait attendu super tard. Quelle horreur. Ah, tu m'étonnes, vous attendiez qu'il dorme. C'est ça, on a attendu super tard et donc on a commencé à le faire. Et au final, le petit frère était en haut et en plus, je me suis endormi en étant en L. Ah, c'est bien ça. Ça c'est endormi. Super coup, dis donc. À Lyon. Lyon, t'avais l'air en forme ce soir-là. T'étais un peu fatigué. Bah, hein. J'étais vraiment patate qu'on a. Comment elle a réagi, la fille? Bah, c'est elle qui m'a fait les avances. Non, attends, tu t'es endormi quand tu faisais l'amour. Je voudrais savoir comment elle a réagi. Ah, alors là, très bonne question parce que je crois qu'elle s'est pas trop rendu compte. Elle dormait aussi en fait. Est-ce que le lendemain matin, c'était pas une fille, c'était une poupée. Est-ce que le lendemain matin, elle était toujours là avec toi? Oui, bah j'étais chez elle donc. Mais tu n'étais plus en elle, c'est pas possible. Ah non. Ah bah non. Plus en elle. Parce qu'à bout d'un moment, ça dégonfle le truc quand même. Hein. Bah ça déborde. C'est ça. D'accord. D'accord, et on a des nouvelles du petit frère qui vient de nous appeler, qui ne s'était jamais endormi. Il a été traumatisé à vie à cause de le toi. Hein. Sache-le. Kevin, notre militaire ce soir, notre auditeur du soir. Kevin. Oui. Oui, je suis toujours là. Kevin, est-ce que tu as déjà fait l'amour, Kevin? Ah bah oui. Oui, quand même. Ah bah non, mais attends. Quand même, quoi. On me dit il a tout fait, on me dit il a rien fait. Donc il a tout fait, Kevin. Kevin. Ouais, je vais m'expliquer avec Guillaume alors. C'est pas normal. Au standard. Alors, vas-y, raconte-nous ta première fois, toi, Kevin. Moi, la première fois, c'était à l'hôtel. Et en fait, on n'avait pas assez de sous, on était deux couples, donc on a pris un hôtel, une chambre d'hôtel pour deux couples. Donc ma première fois, en fait, il y avait deux couples dans la même chambre. En train de faire le truc, quoi. Ouais, en train de faire le truc. Putain, genre, tu pouvais encourager ton pote à côté, ça va, c'est bon et tout, ça, t'assures. Oui, bon, lui, c'était pas sa première fois, moi, c'était ma première fois, donc forcément, c'était plus moi qui, on va dire, qui était... Est-ce que tu étais un peu gêné? Non, parce que je suis pas quelqu'un de gêné, c'était, on va dire, chacun de son côté, mais... D'accord. Voilà. Chelou quand même. Ah ouais, ouais. Carrément. Pour une première fois, ouais. Ah non, c'est bizarre, c'est vrai. Alice, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a pas mal de réactions. Il y a Théa qui l'a fait sur la table de ping-pong de son ancienne école primaire pendant les vacances. Casser, et du ça coup, peut casser. Elle a eu extrêmement froid. Pourquoi, Doc, tu as connu cette expérience? Bien sûr. Attends. Je ne répondrai pas. Ah. On a une table de ping-pong sur la terrasse. La dernière fois que j'ai vu Doc, il était avec Katoche. Hein, donc, je vous le dis. Il y a Cricri qui l'a fait dans un garage normal, à la route. Et Mohamed, il l'a fait dans une remorque de camion qui servait d'abri pour chasseurs et pêcheurs près d'un étang. Oh, voilà. C'est bien, merci pour les précisions. On va finir avec Johnny. Johnny, 23 ans, un salut breton, Johnny. Il est à Rennes. Je crains le pire parce que le breton, il fait des trucs chelous. Hein. Ça va, Johnny? Salut. Johnny, tu es là? Johnny! Oui, je suis là. Bah alors, Johnny, percute, Johnny, là. Alors, ta première fois, oui. C'était où, comment? Ma première fois, c'était à 17 ans, c'était chez le père de ma copine. Et la mère qui était juste à côté de nous dans le milieu. En gros, on comprend rien. C'était chez le père de ta mais copine. La grand-mère était sous cacheton. Non, mais attends, on n'a rien compris. Donc, juste chez... la grand-mère était sous cacheton, c'est bizarre. Ah, mais Johnny, on a très peur. Johnny, tu nous as dit que c'était chez le père d'une copine, c'est ça? Non, c'est le père de mon ex. Le père de ton ex. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a rien entendu de ce que t'as dit, mec. On était dans le même lit que la grand-mère. Oh, parce que c'était le jour du Nouvel An. Le jour du nouvel an, vous couchez tous les trois avec la grand-mère, toi et ta copine, et tu couches avec. Mais mec, c'est pas avec la, attends, c'est pas avec la fille que t'as couché, c'est avec la grand-mère. Qu'est-ce qu'elle faisait, la grand-mère? Mais non, la grand-mère était à côté, mais bon, après, elle était sous cacheton. Ah, elle dormait. Oh, bah t'imagines. Oui, elle dormait. Bah, vous l'aviez droguée, alors? Non, pas vraiment, mais bon, c'était cacheton, elle, pour dormir. Mais qu'est-ce qu'il disait qu'elle dormait? Ah ouais. Elle ronflait. Ouais, je sais pas, mais bon. D'accord, et ça, après, c'est... Ouais, non, mais Johnny, c'est de toute façon la meilleure anecdote de la soirée. Non, mais il est complètement malade. T'imagines coucher avec la mamie juste à côté. Qu'est-ce se passe? Tu vois, c'est juste magique. Merci, Johnny, pour cette petite anecdote. Merci. Continue de vous lâcher sur les réseaux sociaux. Merci. L'important, la première fois, c'est de le faire avec la personne qu'on aime, je pense, non? C'est ça le mieux. C'est beaucoup mieux, oui. Ah oui, après. Parce que ça se prépare, il y a plus de douceur. Voilà, c'est pas un coup pour un coup. Parfois, dans le feu de l'action, on ne choisit pas. Antoine est avec nous, 26 ans de Dijon. Salut, salut Antoine. Salut. Salut Doc, salut à toute l'équipe. Salut Antoine, t'appelles pourquoi? Alors moi j'appelle parce que je travaille dans un bureau de tabac et j'ai surpris ma collègue en train de voler dans la caisse. D'accord, ok. Et tu veux savoir quoi, s'il faut la balancer ou pas? Ouais, voilà. D'accord, et ben on va te dire ce qu'on en pense. Dites-nous si vous avez déjà été voilà dans la même situation que qu'Antoine, vous avez surpris quelqu'un voilà qui a fait un truc qui était pas bien normalement et est-ce que vous avez dit derrière à la personne concernée? 01 42 48 5000. On aura aussi la question de l'internat. Attention, tous les internats de France, mobilisez-vous. 01 42 48 5000. Vous pouvez venir poser votre question, la question de l'internat sur Fun Radio. Et on vous attend aussi avec Mike Perry dans 3 minutes sur Fun Radio. The Ocean. Jeudi soir, tout va bien. Restez bien avec nous, c'est la Vin Fun jusqu'à 22h. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant la Vin Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Cette année, replongez dans l'univers magique d'Harry Potter avec de tout nouveaux coffrets Blu-ray et DVD. Et en exclusivité mondiale, une édition prestige limitée et numérotée avec les 8 films, les 7 livres, la baguette de Sureau, plus de 45 heures de bonus et bien d'autres surprises. À retrouver à la Fnac et sur Fnac.com. Yo, okay, we're back. Fun Radio présente Fun. La soirée Party Fun Club. Party Fun Club. Vendredi soir, au Presse Club à Moulins dans l'Allier. Salut tout le monde, c'est Adrien Thomas. Je vous retrouve tous les soirs dans Party Fun sur Fun Radio, l'émission Dance Electro de référence. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir au Presse Club. Je suis hyper content de revenir pour une énorme soirée Party Fun Club. Party Fun Club by Adrien Thomas au Presse Club à Moulins dans l'Allier. Un événement Fun Radio. Le son Dance Floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Salut, c'est Bruno. Fun Radio, le son Dance Floor présente la compile Bruno dans la radio. La sélection de la famille avec Richard Orlinski et Eva Simons. En exclu le nouveau Martin Garrix, Maître Gims, Ken Jones, le nouveau de Chainsmokers. 60 tubes sur 3 CD, ils sont tous dans la compile de la famille avec Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. C'est plus la peine de continuer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Avouer, à demi-mot pardonner, tous tes défauts avouer, à demi-mot pardonner, mais c'est le temps qui court, et c'est le temps qui court. Mea culpa. Mea culpa. Zéro un 42 48 5000. Love you, love you. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bien sûr, on est là tous les soirs sur Fun Radio. Je m'appelle Karel, Doc est avec nous, Alice, oui. Godefroy. Et, d'ailleurs, Godefroy, tu nous as calé un son qu'on écoutera là tout à l'heure dans l'émission. C'est Calvin Harris avec My Way. Non, ta gueule, Cassie. Attends, là. Godefroy, coupe et remets. Recommence. Et j'aime bien chanter. Calvin Harris. Est-ce que quelqu'un peut, je sais pas, nous en débarrasser? Je ne le supporte plus. Pourtant, c'est mon pote, c'est Cassim, on passe nos week-ends ensemble, on va encore faire les cons ce week-end, là, on va aller en boîte tous les deux. Ouais. Et là, c'est pas possible. Ah, mais il est tellement bon, vous allez dans une boîte gay, c'est vrai? Non. Non, je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. C'est toi qui nous a conseillé. Non, c'est une idée. C'est ce qu'il m'a dit là. Attends, on va dire les choses. En fait, Doc nous a parlé d'une boîte gay où il allait quand il était plus jeune. Non, jamais. Arrête tes conneries. Putain, t'as vu comment t'es? Tu balances un truc et après tu balances pas la vérité, quoi. Si. Allez, vas-y. Jamais. Mais bien sûr que si. Mais t'es même légérie, paraît-il. C'était toi sur les flyers. Mais oui, en string léopard. On va la retrouver. Avec une plume dans le cul. Avec une plume dans le cul, ça te va bien, Doc. Non, mais vraiment. 0 42 48 5000. On va accueillir Antoine dans un instant, mais d'abord on lit vos messages sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à participer sur le Facebook, le Twitter, hashtag Love in Fun, le Snapchat Love in Fun Radio. Alice, on a reçu un message de Shewin qui nous dit: je vous aime Love in Fun et je vous écoute tout le temps. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou à la caméra? Ouais, voilà. Coucou, salut. Cassim, ne fais pas de fuck, merde. T'as l'autre, sans déconner. Et on a reçu un autre message d'Amandine qui nous dit: au fait, j'ai pensé à vous cette semaine. Est-ce que vous avez gagné quelque chose à l'Euromillion? Oui, c'est vrai. J'ai pas vérifié, moi. C'est vrai, on en avait parlé. J'ai pas vérifié. Ah, vous pouvez savoir un truc, c'est que si on est toujours là, c'est qu'on a rien gagné, les gars. Non, on a même pas vérifié. Non, t'as pas vérifié, ça se trouve, t'es multimillionnaire, Doc. Ben nous, on a vérifié, nous. Alors, j'ai gagné 4 balles. C'est vrai, bravo. Ouais, merci. Bravo, j'ai rien gagné du tout, et toi, Alice? Moi, j'ai eu genre sur 2 grilles, je devais avoir un numéro qui coordonnait, tu vois. Mais à nous tous, même à nous tous avec tous les numéros, je crois qu'on n'avait pas l'Euromillion. On a tous perdu les amis, merci. Et Antoine est avec nous, 26 ans de Dijon. Bonsoir Antoine. Salut. Bonsoir. Antoine. Salut Antoine. Tu travailles où toi Antoine? Alors moi je travaille à Dijon. D'accord, mais où, dans quelle entreprise? Qu'est-ce que... Ça je peux pas la citer après. D'accord, voilà, Dijon. Ok, je comprends. Vas-y. Parce qu'il s'est passé quelque chose, raconte-nous. En fait j'ai surpris avec celle que je travaille en fait, qui a volé dans la caisse. Mais comment tu le sais? Une fois, bah, je l'ai vu faire en fait. D'accord. Et en fait, elle a volé une fois. Combien? Et 20 euros. Oh, ouais, d'accord, ok. Et après, en fait, elle a recommencé après une deuxième fois, quelques temps après. Ok. Tu lui en as parlé? Non, après, je sais pas s'il faut que j'en parle. Bah, bien sûr que oui, c'est la première intéressée. Bah, ouais, plutôt mais que d'aller la balancer. Je t'ai vu, sache que si c'est pas sûr qu'il y a de l'argent qui sort de la caisse. Forcément, les soupçons iront vers toi. Ah, il faut en parler alors. Parce que Karel, j'ai quelque chose à te dire. Je t'ai vu voler dans le portefeuille de Doc la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup? Je vais te péter. Je savais pas s'il fallait en parler, mais maintenant que je l'entends de votre bouche, je me dis bon bah alors je me livre aussi. Mais non, c'est pas ça. Ah, fallait en parler à l'intéressé, mais pas devant l'autre intéressé peut-être. Non mais l'histoire. Non mais je peux tout expliquer, Doc. C'est juste que une fois, t'étais en train de jouer avec tes billets comme tu le fais souvent, hein, bien sûr, et t'avais laissé une petite pièce qui sortait de ton oui, trois fois rien, un petit billet de 50. Et bon, j'allais mais te demander un café, mais t'étais parti téléphoner à Katoche. Du coup, bah, j'ai pris la pièce et puis j'ai dit les doigts. Je sais pas si t'as remarqué, mais il a une nouvelle chemise aujourd'hui. Ah ouais, je me suis fait plaisir, j'ai pris aussi un petit billet. Bon, Antoine, tu as quel genre de relation avec cette fille? Après, c'est juste ta collègue. Ma collègue, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est très clair, c'est que le patron lui va compter sa caisse et va se rendre compte qu'il y a du pognon qui part. Ouais. Et les gens qui volent, ils commencent par 20, puis après 30, puis après 50, puis après 100. Et forcément, il va s'en rendre compte, donc il va accuser tout le monde. C'est ça, il va peut-être aussi t'accuser. Alors, on n'est pas en train de te dire qu'il faut balancer, parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, moi, perso, je balancerai pas, ça se fait pas pour moi. Par contre, bah lui en dira, parler avec elle, ça c'est normal. Et parce que sinon, tu vas peut-être être accusé, tu vois. Il faut que tu lui dises, bah voilà, je t'ai vu, et c'est enfin, arrête, parce que sinon, après, ça va partir en couille, le truc, quoi. Ok. C'est comme ça. Jérémy est avec nous, il va réagir. Hein. N'hésitez pas, 01 42 48 5000. Vous dites ce que vous en pensez. Peut-être que vous-même, vous avez vécu cette situation. Ça va, Jérémy? Salut, Jérémy. Ça va bien, Jérémy. On est content de t'avoir, fidèle auditeur du côté de Nantes, la Loire-Atlantique. Ouais, tu voulais réagir. On t'écoute. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, c'est qu'il y a un moment, donc dans mon entreprise, en fait, donc c'est de la vente. Ouais. En fait, moi, j'ai une collègue, en fait, qui a fait. Des petites magouilles pour avoir des clients en plus. Ouais, ok. Et moi, il y a mon père qui l'a remplacé sur sa tournée qu'elle faisait. Ouais. Parce que je travaillais avec lui. En fait, il s'en est rendu compte. Ouais. Et il a été obligé de le dire au directeur de l'entreprise pour se couvrir. Parce que si après, si le directeur, il s'en aperçoit, vu que c'est lui qui l'a remplacé, ça va leur tomber sur sa gueule, en fait. Ouais, je comprends. C'est une situation qui est vraiment délicate. Et en même temps, elle s'est fait virer direct, la personne, d'après. Ouais, elle s'est fait virer après. Bah ouais. Et il aurait peut-être pu en parler aussi, non? Je sais bon, pas. Après, il faut se couvrir, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pour ça qu'on dit à Antoine d'en parler, parce que si ça se trouve, après on la connaît pas cette personne, mais si ça se trouve, cette personne elle va peut-être même t'accuser, tu vois, en disant mais non, c'est pas moi, c'est Antoine. Le problème quand même, pour que le vol soit objectivé, il faut un flagrant délit. D'accord, donc il faut la prendre sur le fait. Cas, oui, c'est clair. Alors si lui il l'a vu, bon d'accord, il peut témoigner et dire voilà, je suis désolé, je l'ai vu prendre la caisse. Elle va dire mais pas du tout, j'ai fait de la monnaie. Mais il dit n'importe quoi, de toute façon, moi aussi je l'ai vu voler, enfin bon bref, ça part toujours en couille parce que les voleurs mentent, évidemment, tant qu'ils ne sont pas pris sur le fait. Ah bah, j'ai un exemple de ça, je me souviens, ça s'était passé à Fun Radio, il y avait un animateur à l'époque qui travaillait avec Arthur, tu vois, c'était il y a des années et des années, et le mec, en fait, il avait laissé son téléphone, et t'avais un petit stagiaire comme ça qui était là et tout, et qui, bah voilà, c'était un beau téléphone, donc il l'avait pris, il l'avait embarqué. Et le gars, on était tous persuadés que c'était lui, donc on l'avait accusé, et il nous disait non, c'est pas moi. Seulement pas de bol, il y a des caméras dans le studio, et il avait été grillé comme ça, quoi. Mais c'est... Il ment, bien sûr qu'il ment. Bah ouais, non, mais bien sûr. Et alors, il a été viré? C'était un stagiaire, oui, il a pas fait long feu. Oui. Oui, il est pas resté. Non, mais c'est ça, Antoine, tu crois, tu faut pas que tu la balances, et en même temps, il faut que tu te protèges, et il faut que t'en parles, mais à elle, d'abord, dans un premier temps. Il faut se couvrir d'abord. Et puis, ouais. À mon avis, le patron, s'il est un peu malin, s'il se rend compte, lui, il va mettre une petite caméra discrète. Nous aussi, ouais. On va bien voir qui pique dans sa caisse, là. Ouais. Et puis, comprendre aussi pourquoi elle vole. Elle a peut-être des problèmes financiers, tu vois. Enfin, ça, c'est pas une excuse. Non, mais je sais bien, Doc. Mais bon, voilà. Parfois, moi, j'ai pas de monnaie pour mon café. Je vois que t'as plein de pièces. Tu voles, je sais. Tu comprends, Antoine? Ouais, y a pas de soucis. Essaye de la jouer comme ça et tiens-nous au courant, justement. On aimerait bien savoir ce qui se passe après, d'accord? Ok, pas de souci. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Vas-y, fais péter. Alors, je fais une dédicace à tous ceux qui me reconnaissent, à mon meilleur ami Loïs, et aussi à un marchand de pizza, Pizza Me. Pizza 3000, bonsoir Pizza 3000. Et voilà, je fais une dédicace surtout à lui. Et voilà. Bah, et bien, voilà. Toi, qui vont toi, tu vas avoir de la Regina gratos. J'en ai déjà plein. Et bah, salut à toi Antoine. Et je remercie Jérémy. Salut. Jérémy qui est passé là sur l'antenne. Tu reviens quand tu veux, Jérémy. Arthur est avec nous, 22 ans, Rambouillet. Bonsoir Arthur. Po, comment ça va la famille? Salut, ça va bien Arthur. On va faire le défi, fallait pas demander avec toi. Ah bah oui, attends. Si on peut pas s'amuser avec les gens de la famille. Eh ben, on va s'amuser tous ensemble. Tu vas appeler qui, toi? Alors, je vais appeler mon père pour lui faire croire que je vais vendre sa Mustang. Donc, la question que je vais lui poser, c'est combien elle coûte, sa Mustang? Sa Mustang de collection. De collection, ouais. Après Mike Perry, via Ocean, sur Fun Radio. You can be my guiding light. Keep me company. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep in. Mike Perry, Viotion, sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Et c'est un moment énorme, hein, tous les soirs dans Love in Fun. Vous venez poser une question qui énerve la personne que vous appelez et vous repartez avec des gros cadeaux. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour participer ce soir. On a notre grand gagnant. Normalement, si tout va bien, c'est Arthur. Il a 22 ans de Rambouillet. Bonsoir Arthur. Ouais, bonsoir toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Ah, ça va bien Arthur. Surtout que toi, tu vas nous vendre du rêve là ce soir. Est-ce que tu as choisi finement ta question pour énerver la personne? Oui, donc je vais appeler, c'est pour appeler mon père et je vais lui poser la question. Écoute papa, combien coûte ta Mustang de collection? Ah, donc ça sent la vente de Mustang, hein, c'est ça? Un peu, ouais. D'accord. Alors Arthur, j'imagine que ton père il tient comme à la prunelle de ses yeux à cette Mustang. Et ah oui, plus qu'à moi, ouais. Bah, non, tu peux pas dire ça. Même si c'est vrai, peux pas dire ça. Alors Arthur, on va tout de suite appeler ton papa qui s'appelle Olivier, d'accord? C'est ça, oui. D'accord, il a 52 ans. Il est où là, ton père, hein? Il doit être à la maison, okay. Moi je suis dans ma voiture. D'accord, et la voiture elle est censée être où là? Là c'est moi qui l'avais tout à l'heure. D'accord. Donc, je suis sur le parking. Ok, et moi je suis l'acheteur. C'est ça. On y va, c'est parti, on appelle. Allô? Oui papa, c'est Arthur. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Je voulais savoir, elle coûte combien ta Mustang? 40, pourquoi? 46 euros, bah, pourquoi? Bah parce que j'ai un acheteur là, je voudrais la vendre. Comment ça un acheteur? Bah ouais, je voulais de l'argent, j'ai besoin d'argent pour partir en vacances là. Mais t'es pas bien? Ma Mustang, ça fait 30 ans que j'ai voulu avoir une Mustang. J'ai une Mustang de 64, c'est la 1753e. Okay. Une Mustang de sortie des 16 ans, t'es malade toi. Et l'acheteur, il est impatient, vas-y, je te le passe. Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes le propriétaire, c'est ça, du véhicule? Oui. Il est hors de question. Écoutez-moi, monsieur. Hors de question que mon fils se vende un truc qui ne lui appartient pas. Surtout ma Mustang. Non, mais alors, écoutez, de toute façon, la transaction est faite. Moi, je vais repartir avec le véhicule. Je suis heureux Attendez, vous allez m'expliquer un truc, là. Bah, transaction TLC est faite, il n'est pas propriétaire. En France, excusez-moi. Il m'a fait le certificat de cession, etc. On a fait tous les papiers. Ah oui, ça s'appelle faux, usage de faux, dernière nouvelle. Oui, jusqu'à preuve du contraire, de toute façon, moi je suis en Suisse, j'habite pas en France, donc je me casse avec la voiture, c'est quand même une belle affaire que je viens de faire. Voilà. Pour une belle affaire, vous foutez de ma gueule. Bah, écoutez, vous foutez de ma gueule. Mais c'est pas de ma faute. Moi, j'ai répondu à une petite annonce sur le Bon Coin que votre fils a fait. Voilà, nous on vient de faire la transaction, je lui ai donné en cash la somme. Il est à côté de vous là. Oui, il est à côté de moi, oui. Bah, il ramène son cul tout de suite à la maison, tout de suite. Oui, bah je sais pas comment il va rentrer parce que en l'occurrence, je peux peut-être le déposer dans votre Mustang, mais. S'il rentre à la maison et que vous venez avec la Mustang, vous allez avoir un léger problème. Je m'appelle Charles de Bourpalais, hein, je ne cache pas qui je suis. De quoi? Charles de Bourpalais. Bien sûr. Je suis un fanat de belles voitures et cette Mustang de 1964, hein, c'est bien ça? Oui, septembre 64, oui, bien sûr. Voilà, avec 400 chevaux à peu près. Hein, si 427 chevaux. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, je remercie beaucoup en tout cas. Je vais vous repasser. Attendez. Vous n'êtes pas propriétaire de ce véhicule, mon cher monsieur. Excusez-moi de vous dire je ça. Je suis propriétaire. J'ai signé les papiers. Comment ça m'emmerder celui-là? Attendez. Vous n'êtes pas propriétaire. Venez ici tout de suite. Non. Il faut que je rentre en Suisse là. J'ai des affaires importantes à régler. Je vais vous repasser votre fils et à la rigueur je peux le déposer dans la ville, mais je vais tracer là, je vais rentrer chez moi. Vous êtes une bonne journée. Non mais vous me faites pas peur avec vos policiers. Moi-même travaillant dans une brigade, ça ne me fait pas peur. Je vous repasse. Repassez-moi mon fils. Oui, papa. Je te jure mon garçon. Mais alors. Je rentre à la maison, je quitte le boulot, je rentre à la maison, s'il n'y a pas la Mustang, mais t'es mort. Je te dis tout de suite, t'es mort. Tu fermes ta bouche, parce que là, je n'en peux plus, là. Attends, je vais appeler maman. Attends, le mec, il est en train de revenir. Attends, il arrive. Non, mais attends, qu'est-ce qui t'a pris de... Non, mais t'es pas bien dans ta tête, toi. Hein. Si tu voulais de l'argent pour aller à Las Vegas. On sera arrangé, t'aurais trouvé un boulot, je t'aurais donné un peu d'argent, mais attends, toucher à la Mustang, attends, t'es fou, toi, t'es complètement malade, mon pauvre garçon. Bah, je voulais me débrouiller par moi-même. T'appelles ça te débrouiller par toi-même, alors que tu tiens de ma bagnole. Non, mais attends, Fabien, c'est une bagnole de collection, elle est de 64. Oui, mais c'est mon héritage. Je suis pas mort, dernière nouvelle, ta mère non plus. Monsieur. Non mais attends, c'est quoi cet argument là, con? Attends, je te le repasse. Merci. Passe-moi-le. Oui, allô? Oui, allô, oui. Elle envoie. Hein. Comme quoi? Non mais attendez, elle envoie. Attendez. Vous y touchez, mais vous êtes mort, monsieur. Vous êtes mort. On ne touche pas. Non, attends, elle touche pas. Elle envoie. Elle envoie et... Vous n'allez pas me croire, j'ai cartonné. J'ai cartonné avec Jean veut plus. Oui, stop, ça c'est des conneries. J'ai cartonné. Ouais. J'ai cartonné, voilà, une petite dame qui passait avec un caddie. Bon. Non, mais attendez, si vous servez d'une Mustang à d'un V8 sans savoir comment ça marche. Bah, j'étais pressé de rentrer. J'avais l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Bah, j'ai cartonné là. Je suis désolé, les gens de Shelby sont plus en très très bon état. C'est un peu merde. Vous savez combien ça vaut des gens de Shelby, vous êtes métarré. Oh, tu m'emmerdes à parler de pognon tout le temps. Il n'y a pas que le fric dans la vie, putain. Non, mais attendez, pour qui vous prenez, vous? Allez, stop, là, c'est quoi ce délire? Vous prenez pour qui, là? Là, je me prends pour Karel de Fun Radio. Allez, con. Putain, je te tue, toi. Tu rentres, je te tue. Dans la première heure, tu rentres, je te tue. Alors, heureusement que t'es pas cardiaque. Hein. Olivier. Putain, les malades. Oui, on touche pas à la voiture de papa, quand même, Arthur. Allez, con. Arthur, je te tue, Arthur. Heureusement que c'est pas cardiaque. Hein. Ah bah non, sinon il aurait tué son père. Bravo. Alors Olivier, vous êtes en direct sur Fun Radio. C'était le défi, fallait pas demander. Arthur devait vous poser une question qui allait vous énerver. Combien vaut la Shelby? La Mustang. Elle vaut beaucoup plus que 6000 euros. Et c'est pour ça que vous étiez très énervé. Grâce à vous, Olivier, Arthur repart avec ses enceintes. Bravo Arthur. Les enceintes Philips. Bravo. Merci toute l'équipe, merci papa, je t'aime. Hein. Oui, rentre à la maison, tu vas te faire engueuler. Alors, Olivier, on va vous envoyer un porte-clés, d'accord? Un porte-clés Mustang. Ouais, elle est bien bonne celle-là. Elle est con. On vous fait à tous les deux des gros bisous. Merci beaucoup pour ce fou rire et c'était vraiment génial. Salut Arthur et à bientôt. Salut, Olivier. Merci toute l'équipe. Merci. À bientôt. Au revoir. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000 dans un instant, le chiffre d'Alice sur Fun Radio. De quoi on va parler ce soir dans ton chiffre, Alice? Bah, il paraît que certaines personnes ne pourraient pas sortir avec quelqu'un qui ne les fait pas rire en général. Est-ce que l'humour, c'est important pour vous, les filles, en fait? C'est ça, les garçons même. Bah, bien sûr. Je pense les garçons aussi, oui. Les filles, les mecs, venez nous dire, voilà, est-ce que vous pourriez vous mettre en couple avec quelqu'un qui vous fait pas rire, par exemple? quelqu'un d'assez chiant, finalement. Hein. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Kevin, notre auditeur du soir. Ouais, je suis toujours là, je vous écoute. Hein. Toi, tu sais faire rire les filles, toi. Ah, c'est le but numéro un. Ah bah voilà, dites-nous si vous partagez le même avis. C'est pas que... fille. Ouais, fille qui rit à moitié dans ton lit, hein. Ça marche pas tous les coups, parce que sinon il y en aurait beaucoup. Hein. Voici Alex Sayono, on en parle juste après. One Dance sur Fun Radio, Love in Fun. I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play, streets not safe. Much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray. And that's why I need one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your from my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un maní el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura que oui. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Time for I go. Higher powers taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. Alex Ayono sur Fun Radio. Avec la sécurité routière, suivez les aventures d'Alice qui passe son permis dans Love and Fun sur Fun Radio. Love and Fun. Et quelle histoire, quelle aventure. Toutes les semaines, on fait un petit point sur le permis d'Alice. On est où d'ailleurs, Alice, là? Bah écoute, aujourd'hui, j'ai été au salon de l'auto pour tâter un peu le terrain, voir s'il n'y avait pas une petite voiture qui pouvait éventuellement me convenir. Ah oui, carrément. Voilà. Et entre autres, je suis passée sur le stand de la sécurité routière et en fait, j'ai fait un espèce d'atelier où on m'a mis des lunettes pour simuler en fait l'alcoolémie au volant. Ça, c'est ouf, ça. Donc c'est hyper particulier. Au début, on m'a donné des lunettes qui simulaient genre 2 verres, ouais. Et ensuite les lunettes 5 verres. Alors mais une horreur. Je devais ramasser des plots au sol. Je ne voyais que dalle. J'avais envie de vomir. C'est hyper particulier. Donc on se rend compte qu'il vaut mieux pas rouler alcoolisé en tout cas. En fait, c'est une simulation, mais c'est pas exactement ce que voient les gens, parce que le drame. C'est qu'il y a des gens qui boivent et qui disent non, bah, moi j'assure. Moi, ouais, genre je contrôle. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et en fait, ils n'ont pas du tout l'impression d'être à la ramasse. C'est là le grand danger. En revanche, ouais. Leurs réflexes sont complètement annihilés et surtout, ils sont désinhibés. Ils font n'importe quoi. Il m'est déjà arrivé de boire, hein, étant moi-même breton. Voilà. Et mais. Traduisez, il boit tout le temps. Non, mais pour le coup, je me souviens beaucoup, beaucoup de fois, je me rappelle d'avoir donné les clés à mes potes parce que j'étais pas capable de rentrer, quoi. Et c'était une connerie. Et je sais qu'il y en a plein qui sortent tous les week-ends. N'oubliez pas de bien désigner Sam, celui qui conduit, celui qui boit pas. Hein. Ça peut paraître un peu con, mais il faut vraiment le faire. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, on est très content qu'Alice passe son permis parce que comme elle ne boit pas, voilà. Elle pourra nous ramener tranquille. Mais d'ailleurs, donc la voiture que j'ai sélectionnée fait au bas mot, bon apparemment 73 000 euros. Ouais. Donc ah ouais, oui, c'est une petite Audi S3 rouge cabriolet. C'est un truc assez sympa. Ok, d'accord. Donc voilà, je compte sur vous. Ça c'est quoi, tu passes un appel s'il y a un mec qui serait un peu généreux? Non, et ben en fait, je passais pas un appel. Enfin, s'il y a un médecin qui peut être un peu généreux, ça peut être super. Un aussi. Médecin, tu veux dire un pédiatre? Un pédiatre, évidemment. Oui. Ah bah, voilà. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il donne déjà toi Katoche, Alice. Ça, c'est clair. Par contre, nous, on vous offre 1000 euros sur le site funradio.fr avec la sécurité routière. Voilà, l'objectif, hein, c'est de vous payer une partie de votre permis de conduire. Avec 1000 euros, on peut quand même déjà bien s'amuser. Ouais, une bonne partie. N'hésitez pas, funradio.fr, il y a un petit quiz, vous y répondez et vous repartez avec 1000 euros cash si vous êtes le ou la grande gagnante. On va accueillir Léa sur Fun Radio. Elle a 21 ans, elle nous appelle de Nantes. Bonsoir Léa. Salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut Léa, tu nous appelles pourquoi? Bah en fait, moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai un sein plus gros que l'autre, mais vraiment plus gros. Et je voulais savoir si ça dérangeait les mecs, que les filles ont une paire de seins atypiques. On va demander à Kevin. Kevin, notre auditeur du soir, t'es là Kevin. Un sein plus gros que l'autre, ça te dérange toi? Bah c'est déjà arrivé. Ah bah la plupart du temps, en plus, je crois que les filles, elles ont tous un sein qui est un peu différent de l'autre. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. C'est pas symétrique. Ouais, mais là, il est vraiment gros, quoi. Oui, la très grande majorité des femmes, effectivement, est comme ça. Ouais. Il n'y a pas de symétrie totale, sauf que ça se voit pas, parce que t'es pas là en train de mesurer. Est-ce que c'est pareil pour nos couilles, Doc? Oui, si t'en as une toute petite, c'est que t'en as abîmé une. Ah, d'accord. Non, mais... Toute petite couille que t'as qui fait quelques grammes, elle est foutue. J'ai pas de petite couille. T'as une petite couille foutue? Alors, non, t'as abîmé ta couille? Tout va bien. Non, mais alors, j'ai une autre question du coup. La symétrie. Genre, on coupe notre tête en deux. Enfin, personne ne coupe sa tête, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'on est entièrement symétrique? Non, le corps n'est pas symétrique. Donc, il y a des petites différences, des petites choses. Oui, tout à fait. Comme par exemple. Le corps, peut-être, mais en fait, tu peux avoir une hémi-hypertrophie d'un côté qui se voit, qui se mesure, et là, un côté qui est trop. Est plus, vraiment beaucoup plus développé qu'un autre. D'accord. Que l'autre. En général, la symétrie, elle est légère. Donc voilà, ça, c'est normal. Mais quand c'est énorme, oui, non, c'est pas normal. Non, mais tu sais, nous, tant quand que ça tient. Quand c'est visible. Tant qu'on peut les mettre dans la main, Léa, tout va bien. Hein, on s'en fout de savoir s'il y en a un qui est plus gros que l'autre ou pas. Bah ouais, mais moi, ça va pas comme une vidéo, mais en fait, ça se voit. En fait, même au toucher et tout, ça se voit que j'en ai un plus gros que l'autre, quoi. C'est génial, hein. Comme ça, on varie les plaisirs. Tiens, je vais me faire un petit coup 90B, un petit coup 90C. Ah. Mais comme ça, s'il y a un mec qui a des gros seins et l'autre des petits seins, voilà. Je voulais simplement dire qu'il peut y avoir des chirurgies correctrices pour des asymétries mammaires importantes, bien évidemment. Parce que je pense au plan esthétique, pour les filles, ouais. Les filles, la plupart, enfin, s'il y a des filles qui sont dans ce cas-là, ou même qui ont été opérées, elles peuvent nous appeler, parce que je pense que c'est un témoignage intéressant. On ne peut pas dire aux filles, oui, non, c'est normal. Si vraiment la symétrie est visible, tu regardes, voilà, ça se voit, là. Là, je vois une photo, c'est quand même énorme, quoi. Là, une photo, vas-y, fais voir. Donc, fais voir la photo. Regarde, là, une asymétrie comme ça, c'est troublant. Ah oui, d'accord, effectivement. Non, mais là, il y a une grosse, grosse différence. Et du coup... C'est ça dont je parle. Hein. En fait, là, t'as 85A et un 90C, quoi. Donc, ouais. Voilà, donc... Et après, opération, c'est quand même vachement bien. Mais Doc, arrête de regarder, tu bandes. Non, ça se bande pas du tout. Enfin, il est en train de soulever la console. Non, c'est sûr. Non, mais c'est des choses, médicales. Ah oui, tu en bafouilles. Tu en bafouilles. Non, je bafouille pas. Léa, il y a des solutions, bien sûr, mais là, je pense pas que ce soit à ce point-là. Il n'y a pas une différence de bonnet. Alors, moi, ce que je conseille aux filles, Attends, Doc. Oui. Vas-y. Sur un sein, le bonnet va, mais sur l'autre, je nage dedans, quoi. Il faut donc consulter la chirurgienne esthétique et lui demander ce qu'il en pense. Voilà. Oui, parce que s'il y a une trop grosse différence, Léa, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Pour corriger la symétrie. Ouais, et c'est une opération qui est remboursée, j'imagine. Alors là, ça peut être pris en charge. Faut voir. Renseigne-toi en tout cas. En tout cas, une entente préalable. Parce qu'on les a pas vus, Léa. Donc forcément, on imagine. Hein, mais il faut peut-être que t'ailles. Faire monter le fantasme. Mais faut que t'ailles les montrer. Hein, d'accord. Oui, non, mais je dis ça parce que quand c'est vraiment énorme, oui, il faut faire quelque chose. Ouais. Ok. D'accord, Léa. Ok, je prends note. Alors c'est gentil. Eh ben, on te fait des gros bisous. Si jamais tu veux un conseil d'expert, tu peux toujours nous envoyer une petite photographie. Il n'y a pas de souci. C'est ça en privé. C'est pour ta. Attends, elle veut te faire ça en privé. Oui, bien sûr, un petit avis médical. Envoie-moi ça sur Twitter. Je te follow, Léa. Gros bisous, ma chérie. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir appelé. Vous pouvez réagir, les filles, si vous voulez encore réagir au sujet, n'hésitez pas. 01 42 48 5000, c'est pas parce qu'on termine un sujet à l'antenne qu'on peut pas continuer d'en parler. Ici, on a la cool, 01 42 48 5000. D'ailleurs, dans un instant, on va parler du chiffre d'Alice. Est-ce que l'humour, c'est important? En fait, c'est un peu ça, Alice, ce soir. Exactement. Il y a 2 filles sur 3 qui ne pourraient absolument pas sortir avec un mec qui ne les font pas rire. Voilà. Est-ce que l'humour, c'est important dans le couple? Est-ce que vous pourriez sortir avec quelqu'un qui n'a aucun humour? Venez nous raconter. Est-ce que parfois c'est même plus important avoir un mec qui nous fait marrer ou une nana qui nous fait marrer plutôt que d'avoir un beau gosse qui est triste, hein? 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Réagissez aussi sur les réseaux sociaux, le hashtag Love in Fun, la fanpage de l'émission sur Facebook Love in Fun, et le son là maintenant, c'est un artiste qu'on aime beaucoup ici à Fun Radio. Voici Boosty Popcorn sur Fun Radio Love in Fun. Goes down, fight like a bird, you know what about it. Stay with me on Fun Radio. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we'll rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we'll rock the party. You're in my mind, everything's alright. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Tu ne veux pas survivre en apnée. Boosty Popcorn sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice dans Loving Fun sur Fun Radio. C'est son chiffre à elle, rien qu'à elle, et rien c'est qu'à elle moi. Qui le débusque. Et à tout ouais. moment, un chiffre d'Alice sur Fun Radio. Et ce soir, on va parler de l'humour. C'est important. Et ouais, qui est particulièrement important pour certaines filles, puisqu'il y a 2 filles sur 3 qui ne pourraient absolument pas être en couple avec un mec bah, qui n'a pas d'humour, qui les fait pas marrer, et voilà. Bah oui, non, mais ça fait partie. Mais je pense que quand t'es amoureux de quelqu'un, forcément, une personne a un capital sympathique. Mais au-delà de l'humour, il y a le fait, effectivement, de ne pas s'énerver pour n'importe quoi, d'être calme. C'est ça aussi. Mais c'est pas ça le chiffre. Non, c'est pas ça. T'es complètement à côté là. Sans déconner. Non mais arrête de parler de toi. Non, ça va. C'est pas ça. Je dis pas ça. C'est que faire rire c'est une chose, mais il y a aussi la façon d'être et l'humour. C'est pas que faire rire. Mais toi, tu es rigolo toi aussi, Doc. Hein. Ouais, bien sûr. T'es pas le dernier à sortir des petites conneries. Il y a plein de filles en plus que ça saoule, qui trouvent ça lourd les mecs trop drôles, toujours avec la petite vanne. Oui, c'est ça. L'humour c'est un fin dosage entre faire rire et aussi prendre du recul. C'est tout un art, en fait, hein, oui. Je crois. Hein. 01 42 48 5000, en tout cas, ça aide bien à briser la glace hein, quand tu rencontres quelqu'un, un petit peu ça. D'humour. On va demander ce qu'en pensent les filles, les mecs. On a Elodie qui est avec nous, 26 ans de Rouen. Bonsoir, Elodie. Salut, Elodie. Bonsoir. Salut, Elodie. Je te donne le choix, regarde. Il y a un super beau gosse devant toi. Franchement, il est super beau. C'est un petit peu l'homme de tes rêves, sauf qu'il n'a aucun humour. C'est-à-dire que tu ne ris pas avec lui. Et puis à côté, y a un mec qui a un petit peu de charme, voilà, et surtout qui est très très drôle, qui te fait marrer. Tu choisis qui, toi ? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Celui qui a de l'humour. Celui qui a de l'humour. Ouais, c'est important. Alors, je vais te donner un mec qui a pas vraiment l'humour, mais qui a une super bonne situation, qui gagne bien sa vie. Ah, il parle de lui, là. Il parle de Doc. C'est Doc. Non, moi, je suis casé, il n'y a pas de souci. Ouais. Et un mec qui, a de l'humour, mais un peu loser sur les bords. Tu préfères qui ? Bah après, oui, non, je vous ai dit, il y a des limites quand même. Elodie, on t'entend pas. Elodie, voilà. Parle dans le téléphone, ma chérie. Moi, je suis pas sûr de ça. Je disais non, faut un minimum quand même. Faut pas non plus que ce soit un gros loser. Les femmes aiment bien aussi les mecs un peu carrés, tu vois, qui assurent. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. Mais là, n'est pas le débat, donc on te parle juste de l'humour. Ah oui, il n'y a pas que l'humour. Ah bah non, bien sûr. Donc pour toi, Elodie, l'humour, c'est extrêmement important. D'ailleurs, ton mec est humoriste, je crois, dans la vie. C'est Gad Elmaleh. Pas non plus, il paraît que les humoristes dans la vie au quotidien sont pas drôles du tout et très chiants. D'accord. Oh bah non, ils se tapent des canons, c'est pas pour rien. Et Jamel Debbouze, Mélissa Torio, on en parle. Attends, ça va quoi? Je sais pas s'il la fait rire, il nous le dit pas. Il doit la faire rire hein. Jamel, il est quand même super drôle. Marion, 15 ans de Charleroi. Oui. Bonsoir Marion. Bonsoir. Salut Marion, l'humour c'est important pour toi? Important. Comment les téléphones? Mais c'est pas possible. Mais dans quelle génération? Qu'est-ce qui nous arrive? Oh là là, mais c'est pas possible. Oh là là, il y a du réseau nulle part. Marion, on t'entend pas, enfin. Fais un effort. Fais une roulade arrière. Est-ce que vous m'entendez là? Ah bah voilà. Mais quand tu fais un effort, arrêtez de prendre vos mains libres et vos oreillettes. Ah, vous nous énervez tous les soirs, on est obligé de vous dire. Marion, on t'écoute. Oui, ben pour moi c'est important. S'il n'y a pas d'humour, ça va pas. Enfin, moi je rigole H24, c'est rien du tout. Donc s'il n'y a pas d'humour, ça va. D'accord. Et ben pourquoi t'as un téléphone pourri là? C'est quoi? Quelle est la marque de ton téléphone? On veut savoir. C'est un Samsung. Eh ben voilà, il y en a pour tous les goûts. Samsung, iPhone, allez hop là. Sans déconner. Mais le réseau en Belgique, c'est difficile à mon avis. Mais bien tu appelles Belgique. De Belgique. Bah oui, Charleroi. Oui. Ah, c'est une histoire belge. Non. Non, voilà, c'est pour ça. Ça c'est pas drôle, hein. Ça c'est pas drôle du tout. On va huer le Doc pour cette blague. Oui. Il est pas drôle. J'ai pas dit que les Belges étaient pas drôles, moi. Ouais, et en tout cas, Marion, pour toi, c'est hyper important. Un mec a de l'humour. Voilà, au-delà du physique, c'est ça qui compte le plus pour toi? C'est un des points les plus importants. Voilà, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de filles hein, et beaucoup de mecs aussi. Hein. Parce que c'est. Franchement, quand t'es un mec, c'est pareil, quoi. T'as envie de te marier avec ta meuf, quoi. Vincent, t'es là ? Oui, je suis là, ça va l'équipe ? Salut Vincent, t'as 23 ans, t'es à Metz ? C'est ça, exactement. À Metz, c'est du côté de chez Alice. C'est du côté de la Lorraine, oui, c'est toujours moi. Moi je viens de là-bas. Elle est de Metz. Ouais. Ah, t'es les meilleurs. C'est les meilleurs, tu la connaissais Alice? Oui, bien sûr, on a dû se croiser régulièrement. Oui, je connais tout le monde, tous les jours. Ah voilà, t'étais à quel collège toi à Metz? Non, moi j'ai fait mes études en Meurthe-et-Moselle, à Pont-à-Mousson, donc encore moins connu. Non, c'est pas grave. L'humour, c'est important pour toi? Ah, tout à fait, si on rigole plus, qu'est-ce qu'on a dans la vie franchement? Eh ben bravo, c'est une belle phrase que tu viens de nous dire. Non mais merci beaucoup. Parle-nous un petit peu de toi là. Parle-nous de ta meuf. Comment tu l'as rencontrée? Est-ce qu'elle avait de l'humour? Est-ce que tu l'as séduite? Alors, voilà, avec des petites blagues, toujours un petit. Oh, c'est pas le dernier pour la déconne, tu vois? Alors je l'ai connue sur un site très célèbre dont moi je vais citer le nom, sur Adopt, comme la plupart des couples modernes, disons. Non, bah ça je suis pas d'accord. Hein. Ah. Non, tous les couples ne se rencontrent pas sur un site de rencontre, hein, je veux dire. Oui. Mais vas-y, continue Vincent, j'ai brisé ton kiff là. Non, non, je t'en prie. Et donc en fait, moi, c'est, disons que l'humour, c'est soit l'humour de situation, genre sur une réplique, ou soit les blagues les plus pourries possibles, ce qui me caractérise. C'est pas ah mal. Ouais, donc toi, t'es voilà. Le genre drôle, mais qui peut vite virer au lourd, quoi. En fait. Ouais, mais je l'assume. Le pire, c'est les mecs qui sont persuadés d'être drôles et qui sont extrêmement lourds. C'est terrible. Ou qui sont drôles malgré eux. Oh, c'est... les pauvres. Ouais. Ouais. Les blagues sont parfois... Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on se moque de vous? Parce que ça aussi, l'humour. Accepter qu'on se moque de vous. C'est vrai que c'est une bonne question, ça, Doc. Se foutre, s'auto-foutre de sa gueule aussi. Bah oui, important. Ça fait partie du fait d'avoir de l'humour, d'avoir de l'autodérision. C'est ça, il y en a qui en ont pas beaucoup. À ce niveau-là, il y en a qui bloquent complètement. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils rient des autres, mais ils ne rient pas d'eux-mêmes. Oui, il fait mieux. Voilà, c'est la phrase de philosophie de ce soir, bien sûr. On vous donne 4 heures et tu commences maintenant, Vincent. On prendra ton corrigé tout à l'heure, d'accord? Avec plaisir. Ok, mission. À tout à l'heure, Vincent, qui est parti pour une mission philo. Je demande à Kevin aussi, Kevin, ce qu'il en pense, là, notre auditeur du soir. Kevin, qui n'est pas le dernier pour la déconne, d'ailleurs, il a une petite blague à nous raconter. C'est parti. Ah. Allez, Kevin, allez. On t'écoute. Bah non, mais c'est vrai, une fille, faut, pour faire plaisir à une fille, faut bien qu'elle rigole. C'est pareil dans l'autre sens. On t'a demandé une petite blague, Kevin. Kevin, bah non, non mais attends, Kevin, qu'est-ce que tu crois? T'es notre auditeur du soir, quand il y a un petit coup de mou dans l'émission, une petite blague, c'est toi qui dois la porter. Attends, et on te paye pas pour rien, Kevin. Enfin. Ah, c'est quoi la petite blague? Vas-y. Allez, Kevin. Non, c'est pas une blague. J'ai pas de blague. Faut pas faire une blague pour faire rire une fille. Pas forcément une blague. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien qu'un comportement. Rien que le comportement, déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah moi généralement quand j'étais en boîte avant de, parce que j'ai connu ma copine sur Lovin Fun, bon j'expliquerai après, mais quand j'étais en boîte j'étais le premier à faire le con et j'avais plein de potes, ils étaient DJ en fait, donc la plupart du temps je les aidais, je me déguisais en lapin rose, okay. En caleçon sur le bon job. Et Kevin militaire, mais attention le week-end il se déguise en lapin rose le mec, hein. Bah ouais. Hein. Non, c'est une tenue camouflage. Mais ça marche, tu vois. C'est une tenue camouflage. Mais si, ça marche. Ne pas se prendre au sérieux, c'est ça aussi. Bah non. C'est ça, si tu commences tout le temps à être sérieux, là, si, à un moment. Et on va revenir, voilà, on va revenir sur un. Kevin, écoute-moi, on va revenir sur un truc. On va revenir quand je même sur ta meuf. Tu nous dis que tu l'as rencontrée avec Fun Radio, avec Love in Fun. Les deux dernières, oui. Mon ex avec qui j'étais avant, pareil, sur Love in Fun. Et là, là, c'est pas directement sur Love in Fun. En fait, c'est sa sœur que j'ai rencontrée sur Love in Fun qui m'a présenté sa petite sœur. Tu parles du Facebook? Ouais, sur Facebook, ouais. Alors, c'est ce que je vous disais, ça pêche chaud de ouf. Sans déconner. Sur les statuts de Vincent. Mais c'est ça. En fait, n'allez plus sur des sites de rencontres, les amis. Non. Les rencontres. Franchement, moi, j'ai aucun site de rencontres. Sur Facebook de Love in Fun. Bah ouais, voilà. Parce qu'on pose des questions, les gens se livrent, et là, il y en a qui se disent « sympa, ça m'intéresse, je vais lui envoyer un petit message privé, et puis Mais en fait, maintenant, on n'a même plus besoin de faire rigoler la fille, on fait tout le boulot, il suffit d'aller sur le Facebook. Hein. Voilà. C'est pas mal, ça. Merci à tout le monde. Il y avait aussi des réactions sur les réseaux sociaux, Alice, sur l'humour. Pour Alexandra, c'est le plus important pour elle, ça fait partie de la complicité du couple. Et Sandra nous dit « Franchement, je suis pas fan des petits rigolos, ils font souvent les malins en groupe, et je trouve que ça devient vite lourd. » Mais parce que ça, c'est sur le dos des autres. À un moment donné, quand on se moque des autres, voilà, c'est lourd. Mais l'humour, c'est l'humour sur soi à 50%. Julien, 19 ans de Lille, t'es là, Julien? Je suis là. Salut Karel, salut Alice, salut le doc. Salut. Julien, avec toi, on va parler de quoi dans un instant? Et on va parler que je voulais envoyer une photo de mon sexe à ma copine, sauf que malheureusement j'ai fait une fausse manip et je l'ai envoyée à la mère de ma copine. Oh là là. Loser. Ah oui. Le loser du soir. Seul maintenant. Dans un instant sur Fun Radio. Et puis la question de l'internat, bien sûr. Vous êtes en ce moment dans un internat, vous êtes en train d'écouter Love in Fun, vous allez pouvoir faire participer tous les potes, gueuler dans toute la France, poser votre question. 01 42 48 5000. Love in Fun jusqu'à 22h et avec un bon son. Voici Calvin Harris, My Way. Bonne soirée à tous. Wow. Way to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Calvin Harris, My Way sur Fun Radio. Love You Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. À la radio, sur les portables, sur internet, funradio.fr aussi pour mater l'émission. N'hésitez pas à nous appeler toute la soirée au standard 01 42 48 5000. C'est Gaëtan. Gaëtan qui nous appelle. Il a 16 ans d'Orléans. Salut mon Gaëtan. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Ça va bien Gaëtan, on est content de t'avoir là. Pourquoi tu nous appelles ce soir? J'appelle parce que en fait, je suis accro à un médicament anti-stress. C'est quoi ton médicament? Gel, c'est minimum. Oui, bah ça, tu peux en prendre des kilos, tu risques rien. Ah ouais. C'est quoi du gel sénium? Ouais, ouais, tu peux y aller, vas-y. Allez, vas-y, drogue-toi, mon pote. C'est autorisé par les docs. Du gel sénium, tu peux y aller. Non, non, mais alors, c'est intéressant ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dépendants à des médicaments, et notamment des médicaments qui sont. Il y en a qui sont méchants. Hein. Quand c'est la codéine, le codion, on ne parle pas de la même chose, quoi. Ouais, c'est-à-dire que ça, c'est des médicaments qui te défoncent quelque part, doc? Gel sénium, non, je pense pas. Le gel sénium, c'est quoi alors? Attends, je cherche exactement l'endroit. Ah, mais d'accord, en fait, Doc, il sait pas. Il cherche. Je sais très bien. Oh non, en fait, c'est très grave. Alors. Non, c'est de l'homéopathie. C'est de l'homéopathie. C'est une plante, il me semble. Non, oui, c'est qui t'a donné ça, Gaëtan? C'est du jasmin jaune. Ah, mais déjà drogué au jasmin? Au moins, ça me défonce la gueule. Hein. Tous les soirs, pour tenir l'émission, je me prends des bonnes doses de jasmin. C'est ça, parce que je sais très bien que c'est de l'homéopathie. Et l'homéopathie, tu peux en prendre des kilos. Ouais, mais il ne faut pas trop abuser non plus de l'homéopathie. Je ne connais non plus. Non, mais c'est parce que j'en ai déjà fait trois. Non, tu peux y aller, mais en revanche, tu as l'impression que ça te fait du bien? Non, ça m'aide juste à m'endormir et le matin aussi. Alors, écoute, prends-le. Voilà. Ouais, pas trop non plus. Je te dis, moi, pas de souci quoi. Ah ouais, donc ça veut dire, ouais, vas-y. Si ça l'aide à s'endormir et qu'il s'endort bien, vas-y, prends ton gélsénium. Moi, je te donne cash, j'ai les yeux fermés quoi. On va t'enfiler en masse, d'accord, pas de problème. On est distributeur. Non, non, mais Gaëtan, c'est bon. En fait, c'est une petite plante grimpante venue d'Amérique et d'Asie, mais bon, elle a pas de. Le produit spécialement toxique, quoi. Tu t'es pas trompé, c'est pas marqué cannabis dessus. Non. Bon, bah c'est bon, alors ça va. Hein, y a pas de problème. Tu peux y aller. D'accord, Gaëtan. Non, mais oui, mais c'est la quantité en fait. Combien t'en prends? Que j'en prends. Bah, j'ai déjà fini trois petites flacons. En combien de temps? En une semaine. En une semaine. La myopathie, c'est des doses tellement minimes. Il aime bien le goût, peut-être. Si tu prends 3-4 tubes, ça risque rien. Tu vois. Ouais, achète des chewing-gums, ça fera le même effet, en fait. Non, mais attends, moi, je suis totalement d'accord pour qu'il prenne ça si ça lui fait du bien. Ouais, ouais. En fait, Gaëtan, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est qu'il n'y a aucun risque. Tu vois, tout va bien. D'accord. C'est pas parce que t'en as pris 3 en une semaine que t'es un drogué, quoi. Au contraire. Je suis plein de ouf. Je connais bien mon doc. Et s'il y avait eu un souci, tu vois, il te l'aurait dit direct. Ouais. Vas-y. D'accord. J'aimerais que tous les gens qui vont s'endormir prennent du gel sénium. Oui. Si tout le monde se défonçait au gélsénium, hein, la vie serait plus belle. Il y aurait moins de camé. Hein. Ça, c'est clair. Bah, t'es rassuré, Gaëtan? Ouais. D'accord. Okay, par contre, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont addicts de médicaments qui, pour le coup, voilà, sont en vente en pharmacie, sont pas des trucs homéopathiques, comme disait Doc, avec de la codéine, vous pouvez aussi nous appeler. Hein. Il y en a plein. Hein. Il y a plein de drogués de ça. 01 42 48 5000. Salut à toi, Gaëtan. Je voulais juste savoir, est-ce que je pouvais avoir un pack Lovinson? Tu raccroches pas, tu as tes coordonnées à Guillaume, on va t'envoyer tout ça, d'accord? D'accord, ok, salut, merci. Salut Gaëtan, ciao. La question de l'internat, dans un instant sur Fun Radio, on sera en direct d'un internat, n'hésitez pas à nous appeler à tous les internats, 01 42 48 5000, déposez votre petite question sur Fun Radio, on vous régale avec une distribution de préservatifs de capote pour tout l'internat, et on sera avec Julien aussi, 19 ans de Lille, qui sera un petit peu le loser du soir. Hein, ma VDM ce soir de Julien. Julien, t'es là? Toujours. Voilà. Julien, c'est la classe incarnée. Quand il envoie une photo de son sexe à sa copine, il l'envoie à sa maman. À sa maman. Il a dû aimer maman. Lost Frequencies dans un instant sur Fun Radio avec Beautiful Life. Allez, c'est heureux. On va savoir ce qui s'est passé après. Là, dans un instant, vous bougez pas. La suite de l'histoire. Et on est ensemble jusqu'à 22h sur Fun Radio. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Sal est avec nous ce soir. Puisque le premier extrait de l'album s'appelle Are We Awake, à savoir sommes-nous éveillés, on va vérifier si les gens sont éveillés. On a choisi des personnes qui se lèvent tôt, à savoir l'équipe de Bruno dans la radio. On va commencer par Elliot. Allô. Sommes-nous éveillés? Sommes-nous des tarés, ouais. Allez, ne soyez pas impatients, on débarque à 22h. Oui, soyez là, car je vous veux, auditeurs de Fun Radio. Marion et Anso, 22h minuit. Night Show. Sur Fun Radio. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio. Fun Radio. Sur iPhone. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Sur la capitale, on était là, là, là. Quelques musiciens me donnaient la mélo. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante, la, la, la, la, la, la. Parce que moi, j'aime qu'on balade dans Paris. J'aime qu'on balade dans Paris. J'aime qu'on balade dans Paris. Paris, Paris. J'aime qu'on balade dans Paris. J'aime qu'on balade dans Paris. J'aime qu'on balade dans Paris. Ram, pa, pa, pam, ram, pa, pa, pam. think of us together. A cigarette and a bottle of wine, let's run away forever. I can barely sleep, the city's calling me. I want you to stay. I think I fell in love with the motion, so I could never run too far. Sometimes you wanna cross every ocean just to find a piece of your heart. I can barely sleep, why won't you come to me? I want you to stay. Parce que moi je me balade en paille, je me balade en paille, je me balade en paille. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Je me balade en paille. Je me balade en paille. Love You Fun. 20h, 22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. On est tous ensemble depuis 20h sur Fun Radio Love in Fun. Je m'appelle Karel, Doc est avec nous, bien sûr Alice et vous. Salut. Tous en direct sur Fun Radio. Notre auditeur du soir est avec nous aussi, c'est Kevin. Kevin, il a 23 ans, il est de Besançon, militaire et qui va partir, hein, c'est ça hein, Kevin là. Tu vas partir en mission pour l'armée de terre. C'est ça, la semaine prochaine. C'est ça, dans 4 jours. Et c'est, 4, ta, jours, ouais. C'est un petit peu la dernière c'est émission parti. avant 4 mois en fait. Voilà, c'est ça. Bon, ouais. Calme-moi, je vais plus vous entendre, quoi. Eh ben, ça, tu sais quoi, on pourra t'appeler ou pas? Ça va être compliqué parce que ma ligne, je vais la couper, en fait, pour pas payer le forfait pendant 3 mois. D'accord. Ça sera que par Internet, en fait. Ah, ok, pour d'accord. Rejoindre ma copine et tout ça, ce sera tout par Viper. On se débrouille avec les moyens du bord, quoi. Ouais, c'est chaud, hein, franchement. De toute façon, vous faites un métier formidable, hein, vraiment. Vous nous protégez. Ouais, hein. Après, c'est compliqué aussi. Ouais, après, c'est sûr. Comment elle vit ça, ta copine, de te savoir loin comme ça pendant 4 mois avec tous les dangers que ça comporte d'être un militaire, quoi? Bah, c'est pas évident, quoi. En plus, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, donc bon. Moi, je l'ai dit tout de suite, mais bon, c'est pas évident. Oui, c'est ça. Surtout c'est... qu'on sait que. Ouais. En plus, il y a certains trucs qui se passent, on sait, voilà, donc forcément, elle s'inquiète encore plus, quoi. Bah, ouais, et ça doit. Tu peux lui envoyer des nouvelles quand t'es en mission ou par Internet? Ouais, c'est possible, mais il y en a, ça arrive que pendant un mois et demi, ils ont pas de nouvelles, quoi. Ah ouais, là tu dois flipper, putain. Ouais, parce que surtout quand ils voient les informations en fait, quand ils font montrer certains trucs, on lui dit, ils peuvent lire certains trucs, et des fois c'est beaucoup de conneries. Et forcément des conneries, des rumeurs sur ça, il y en a plein qui rigolent sur ça, mais la personne en face, elle va pas rigoler sur ça. Bah, j'imagine. Moi je sais que je rigole pas sur ça, j'ai des potes qui sont partis là il y a pas longtemps, et que j'ai fait mes classes avec eux, et il y a eu un truc, forcément on a direct été inquiet, on a vu les trucs, bon c'était pas eux, ils étaient là 2 jours avant, mais c'était pas eux sur ce coup-là, mais voilà, il y a toujours... Et puis, peu importe c'est qui, on va dire qu'on est quand même tous des frères d'armes, entre guillemets, quoi. Bah, bien sûr, bravo, frères, en tout cas. Voilà. Bravo, félicitations hein, pour ce que tu fais. On va lire quelques messages là, sur les réseaux sociaux qui sont arrivés juste avant d'accueillir Julien, qui sera donc le loser de la soirée. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vas-y, Alice. On a reçu un message de Lou. Je fais beaucoup d'insomnie depuis environ 2 mois. Est-ce que c'est grave? Mais non, il faut savoir pourquoi. Il y a forcément une raison à cela, une perturbation, une difficulté. On n'a pas des troubles du sommeil, ça ne tombe pas comme ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Et un autre message de Virginie et dire que c'est déjà la dernière de la semaine. Vous pouvez pas être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Bien sûr. Alors, non. On appelle ça Secret Story. et on va bientôt rentrer dans la maison des secrets. T'imagines, ça serait énorme bien d'avoir sûr. Des missions et tout. Il n'y a pas de problème. Hein. On a déjà la voix, c'est le doc. Hein. Grave. Tu peux nous dire ici la voix, doc? Ici la voix. Non. Il faudrait qu'on t'apprenne à le faire. Non, ici la voix. Ici la voix. Non, va t'apprendre, presque, on va t'apprendre. Presque. La semaine prochaine. Je connais pas, donc faut que j'entende. C'est pour ça, il faudrait que tu l'entendes. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Bon, pas loin, pas loin. Mais la dernière fois, j'arrête pas parce que j'écoute pas ça, donc je sais. On va te le faire écouter. Arrête, tu regardes La Revanche des Ex, tu regardes toutes les télé-réalités. Dick. Tiens, je vais t'appeler Dick. Dick. Je vais t'appeler Dick ce soir. Mais vas-y. On sent que c'est jeudi, c'est la fin de semaine pour nous. Hein. Les mecs, ils sont là depuis dimanche, ils n'en peuvent plus. Julien, 19 ans de Lille. Bonsoir, Julien.

Frequencies, Beautiful Life. 20h, 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0 42 48 5000. Sur Fun Radio. Et on est en direct tous les soirs sur Fun Radio, 20h, 22h. Love in Fun, on va accueillir William, 19 ans de Reims, qui est arrivé une catastrophe. C'est la cata. Hein, William? Oui. Ouais, si on peut dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Alors, j'étais en plein rapport sexuel avec ma copine. Oui. Et à un moment, j'ai senti une grosse douleur au niveau de la verge. Ah oui. Et quand elle s'est retirée, j'ai vu qu'il y avait vraiment du sang. Oui. Et depuis, j'ai été à l'hôpital le lendemain, comme il fallait. Tu t'es pété le frein, en fait. Ouais, mais une partie, pas totalement. Oui, ah oui, d'accord. Enfin, bon, maintenant, il va plus péter. Ben. Ah, c'est ce qui m'a trié un peu, parce que j'ai peur de refaire un nouveau rapport avec donc, elle. Donc, première chose, cicatrisation, c'est le cas. Donc, bien désinfecté, mettre une crème cicatrisante. Ça, tu fais ça. Cicatrile. Oui, je sais pas quoi, peu importe. Mais en tout cas, voilà, faut bien nettoyer, bien sécher la plaie. Une fois qu'elle est bien cicatrisée, tu peux remettre le couvert, il n'y a pas de problème. D'accord, voilà, il n'y a aucun souci. Parce qu'en fait, tu avais peur de remettre, comme dit Doc, le couvert. Non, tu l'as cassé, tu vas pas le casser trois fois. Bah oui, une fois qu'il est cassé, il est cassé. Ok. Alors en fait, c'est une petite partie qui est cassée. En fait, c'est pas toute la globalité, bon, en fait, c'est... Oui, mais il ne va pas recasser à nouveau, à mon avis. Voilà. Non, à mon avis, il n'y a pas de souci. Ok. Ouais. Tu peux y aller. Oula, qu'est-ce qui se passe, William? Tu es en train de te faire agresser, là? Non, je suis dans la rue, je suis devant chez moi, en fait, justement. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, je vous éprends, en fait, c'est des gens dans la rue. Bah, cours quand même, parce que ouais. Ça a l'air grave. Fais gaffe, ils ont l'air... ils ont l'air chauds, là. Ouais, carrément, ouais. Ils écoutent peut-être la radio, hein. Salope! Oh là là! Salope? Oula, oui, William. Ouais, c'est bizarre, apparemment. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui se fait agresser, là? Je sais pas du tout. Bah regarde quand même, on sait jamais. T'es dans la rue ou pas? Ouais, Toulouse en direct, pas Toulouse en direct. Ouais, c'est ses potes, il les connaît. Ah, juste quand okay. Tu sonnes, Villard, ouais. Non, je sais pas c'est qui. Il a pris mon téléphone, ça m'inquiète pas, mais je sais pas c'est qui. Bon, William. En vérité, c'était des potes, on était dans un bar. D'accord. Je suis mis à l'écart pour vous appeler. Ok, d'accord, mais y a pas de problème, William. Bah écoute, c'est jeudi soir, les soirées étudiantes, bien sûr. Il y en a qu'en vite. William, ne t'inquiète pas. Tu mets un préservatif ou pas? Oui, bien sûr, là-dessus. Oui. Bah, c'est encore mieux protégé, il n'y a pas de souci. Eh ben voilà, salut à toi, mon William, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio avec les potes, là. Et puis on a Sam, en direct de l'internat Saint-Félix, à Nantes. Bonsoir. Ah, ils vont se faire dépouiller, ils vont se faire déchirer. Wow, par... Ça doit résonner partout, quoi. Et disons, les gars, vous avez le droit de foutre le bordel comme ça ou pas On s'en fout. C'est ça, c'est bien. Tu sais, quand t'es rebelle comme ça, t'en as rien à foutre. Et alors, le surveillant, il s'appelle comment? Vivi. Ouais, ils ont dû l'attacher à une chaîne. Oh, c'est ça. Le mec est baïonné, tu sais. Les gars, c'est quoi votre question ce soir? La question de l'internat. Et quoi? Pourquoi le matin, quand on se réveille, on bande? Pourquoi on bande le matin d'un au réveil? Et je vais même t'annoncer une bonne nouvelle. Tu bandes au moins 5 à 6 fois par nuit dans ton sommeil, c'est tout. Ouais. Voilà, c'est normal. C'est tout. Mais c'est tout. C'est tout, Doc. Attends, ils veulent plus, normal. Là. Ouais, mais c'est pas forcément lié au désir sexuel, c'est ça. Mais tu peux sortir d'un rêve érotique où quelqu'un, effectivement, tu as une érection. C'est normal de bander le matin. Si on bande pas le matin, on se pose des questions? On peut. Ouais, je sais pas. Sam, je te dis, tu peux. Sam, tu te prends pour le doc, toi, maintenant? C'est lui qui répond, je sais pas. Sam, dédicace pour tous les potes, on vous écoute, c'est parti. Alors, dédicace à qui, les gars? Voilà, on a bien sûr. Tout compris, bah évidemment. Bien sûr, et Michel qu'on embrasse, bien sûr. Michel. Salut, les gars, salut l'internat Saint-Félix. Moi, j'adore les conversations avec les internats. Les gars, mais quelle ambiance c'est là-bas, super. C'est super. Souvent, on nous appelle. Ouais, putain, j'ai été puni par mes parents, je dois aller à l'internat. Bah, regardez l'internat. Putain, hein. L'internat, c'est l'éclat, c'est a priori, hein, sans déconner. Je voulais remercier notre auditeur du soir aussi, qui a été avec mission, nous. En tout cas. Qui va partir en mission, c'est un militaire. C'est ça, et voilà, beaucoup de respect, nous, pour les militaires. Hein, et c'est, mission très loin, apparemment. Ouais, il va partir en. On peut pas le dire. Il ne le dira pas. Kevin. Oui. On ne dira pas que tu iras sur le continent africain. Non, ça, on ne le dira pas, Kevin. Mais en tout cas, tu vas partir là pendant 4 mois. Et voilà. C'est ça. Si tu as un petit message à dire, justement, peut-être même une pensée pour ta chérie que tu vas laisser pendant quelques mois, l'antenne est rien qu'à toi, là.

Eh ben merci beaucoup Fun Radio, merci Mario Lento. Merci à toi et embrasse Bruno Mars pour moi s'il te plaît. Okay, si je peux effectivement, je fais une petite bise. On t'embrasse Jérôme. Merci beaucoup, bonne soirée Marion. Bisous à toi. Pardon.